Cet épisode du podcast de Papa Cassette est une présentation de Lagerbrau, bière adéquate. Vous suivez Papa Cassette et désirez m'encourager dans le développement de mes multiples projets? Devenez Patreon, patreon.com/papacassette. Bonsoir à tous, chers amis, bienvenue à l'épisode 138 de chez Papa Cassette. Bonsoir ouais. Jean-François. Salut Dominique. Ça va bien? Oui, toi? Ben oui. Voilà, je m'ajuste live. On s'ajuste live. Et puis, tout de suite, vu que tu ajustes la musique, il s'agit de la nouvelle musique. Que c'est bien le nouveau segment, ça. Oui. Alors, si vous avez écouté le dernier épisode de nos amis du Chac à cassette, donc ils ont pris le temps de faire un dernier épisode pour saluer, dire au revoir à leurs auditeurs. Michael, il a dit dans le show qu'il avait fait plein de soundtracks pour le Chac à cassette, tu sais, puis il dit « Ah, je pourrais les donner à Dom, là, puis JF, là, pour Papa Cassette, puis tout, parce que ça fait 7 ans qu'il runsait. » Il avait bien raison. On est tellement cheap, on l'a payé une fois, Michael, puis c'est tout, that's it, là. Fait que Michael nous a tout donné ça, donc c'est quoi, genre 5? 5 tracks d'une heure et demie environ, là, donc qui vont couvrir pour 5 shows. Nous, on avait 4-5 déjà, on a une dizaine. On devrait faire une belle rotation. Hey, ça va faire du bien, ça. Alors, merci beaucoup, les gars. Et puis, allez écouter le dernier épisode du Chac à cassette. C'était bien le fun, bien intéressant. Et puis, on réinvitera des membres, là, éventuellement. À partir de la boucle infinie avec Michael et Ellie, là. Michael va avoir du temps. C'est jamais fini, ça. Ça ne finit pas, c'est une boucle infinie. C'est infini, exact. On n'a jamais dit qu'on avait fini non plus. On n'a jamais arrêté, là. Ça non. C'est dans les terres là, que ça flotte quelque part. C'est ça, c'est infini, man. C'est un autre monde. Fait que voilà, et on remercie notre commanditaire, les bières Lagerbrau, des bières bien adéquates. Oui, qui vont pouvoir sortir d'ailleurs. Oui, moi je vais être sur l'eau ce soir. Par contre, j'ai un certain malaise à l'estomac encore de mes problèmes de vieux. Mais toi, bois, JF. Alors, il n'y a pas de vin d'orge. Il y en reste une. Il nous reste un vin d'orge. On va le garder pour les occasions spéciales. Au barbecue. Un baptême, un barbecue, quelque chose. un baptême. Esti, pas le moins. En tout cas, je suis vasectomisé. Ouais, puis moi, je suis tout seul. Toi, t'es tout seul. Il n'y en aura pas d'autres, anyway. Là, on entend le bacon. On sent le bacon qui se... Faut mettre une petite boîte de petite vache dans le frigidaire. C'est vrai, la petite vache viendrait... neutraliser les odeurs. C'est ce qu'on se fait dire sur Discord, d'ailleurs. Ah, ben voilà. Miss Graff, première fois dans le chat. Dis, ben salut, voyons salut. Donc. Salut. C'est qui donc, Miss Graff? First Miss time Graphics. First time chat, donc je le sais pas. Ouais, non, mais je sais c'est qui. Ah ouais, ok. Mais je sais pas. On va sûrement s'identifier. Ouais, c'est ça. Bon, Mike Leclerc qui est là. Salut, Mikey. Et puis... D'ailleurs, on va les mettre à l'écran. Ah oui, on met à l'écran. Je m'en avais oublié, voilà. Ces nouveautés-là. Fait que voilà, et puis je veux aussi remercier encore une fois notre commanditaire non officiel, c'est-à-dire les éditions de l'Homme. Et puis j'ai terminé le livre qu'il nous avait envoyé l'autre fois, « Et si l'entrepreneuriat rendait fou ». Alors c'est un livre que j'ai trouvé très très très intéressant. En fait, il parle beaucoup de pas de maladie mentale, là. Mais de dysfonction. Problème de santé mentale. Ouais, de TDAH et puis de bipolarité et de troubles que peuvent avoir les entrepreneurs. Et beaucoup en ont. Puis je me demande si j'en ai pas moi-même. Faudrait que je regarde ça. Okay, alors, ça joue, il y a de la musique. C'est juste un slow départ. C'est juste de la que le truc track. A fucké ici, c'est tout. Là. Fait que je serais curieux. Des fois, je me demande si j'en ai pas un, genre de TDA quelconque, là, léger ou je sais pas quoi. Mais en tout cas, c'est intéressant et puis ça fait un peu peur aussi à quel point là-dedans. Parce qu'il y a beaucoup de monde qui se confie, des vrais entrepreneurs, des gens qui ont fait des millions et des millions, qui ont crashé, qui ont perdu, qui se sont relevés, qui ont fait 1000 affaires. Puis tout du monde différent, dans des domaines différents, vraiment. Et puis moi, j'adore ça. C'est vraiment bon. Et puis, ça fait peur. Donc qu'est-ce que t'aimes, le struggle des gens qui ont réussi de voir que c'est tough puis que t'arrives à m'amener à réussir à quelque chose? Ou c'est... Ben j'aime voir l'effort puis comment est-ce qu'ils ont fait. Mais c'est pas tant... comment dire? Les témoignages là-dedans sont pas axés tant que ça sur ce qu'ils ont, combien fort qu'ils ont travaillé ou quoi que ce soit. Mais aussi, comment est-ce qu'ils sont eux puis comment est-ce qu'ils ont... vécu ça, mettons, grande ascension d'une entreprise qui quadruple son chiffre d'affaires puis tout le stress qui vient avec, et puis d'être des workaholics, puis genre, puis pas mal manger, pas dormir, tu sais, pas faire attention à soi, puis crash and burn solidement, tu sais, puis changer de voie, puis tout calisser ça là, puis recommencer. Tu sais, c'est beau, c'est intéressant. Et puis... Il y a Miss Graphics qui s'est identifié. On s'est rencontré à la télévision de jeunesse. Ah oui, c'est ça. Miss Graphics, est-ce qu'il a acheté ta... Mon télévision de jeunesse? Ah oui, quand je l'avais switché, peut-être. Ah, c'est ça. À ta boutique. À la boutique. Bon, voilà. Oui, c'est ça. C'est-tu toi, Miss, qui avait eu une maladie et puis qu'on s'est revu dernièrement? Ou c'était un autre Miss? Ben des Miss. Ben des Miss. Fait que voilà. Bon, bref, juste pour finir avec ce livre-là, c'était excellent et puis ça m'a beaucoup, beaucoup inspiré. Et puis je me suis même inscrit à un truc d'entrepreneur. Moi, l'entrepreneuriat, c'est quelque chose qui me fascine de plus en plus. Non, c'était pas la même personne, OK, Miss Graphics. Bon. Et puis, c'était moi, ce qui m'intéresse, ça m'intéresse de plus en plus sur TikTok. Tu vois, dans mon TikTok, tu vois que ça maintenant, des affaires, puis tout ça, puis j'aime beaucoup ça. Puis, même que des fois, je me dis, si tout était à tout planté ici, puis on ferme tout, whatever, je pense même pas que je retournerais essayer de faire du graphisme, tu sais. Ben, peut-être, je le ferais pour bouncer, mais... Ton petit revenu sur le site qui financerait ton prochain commerce, prochaine étape. J'essaierais de trouver une business qui lève, là, puis d'essayer de l'aider, ou je sais pas quoi. Tu sais, moi, j'ai des idées, puis je suis bon, j'suis un bon rassembleur, tu sais, je suis bon pour convaincre le monde. Fait que j'ai des forces, et puis, bref, c'est ça, ça. Tout ça m'inspire énormément. Alors, voilà. Merci beaucoup, Simon Pellerin, pour cet excellent livre. Il va aller sur la bibliothèque, en arrière de JF, là-bas. Vous voyez, on a le porto et puis deux livres. Fait que si on va pouvoir en mettre un troisième. J'en ai d'autres à la maison, en fait. Je vais tout ramasser ça, puis on va bâtir la bibliothèque. Il y a lui de barbecue, mais il reste chez nous, celle-là. Oui, ça, tu le gardes. J'en ai besoin. Tu m'inspirer le soir. Je voulais remercier aussi tous les gens qui écoutent. J'ai constaté une hausse des views sur YouTube quand même. Un bon steady 250 faciles views de plus sur tous les clips YouTube. Ben surtout les épisodes YouTube. Et puis même les anciens aussi qui ont continué à lever un peu. Il y en a qui ont passé le 1000 views. T'sais, 1000 views, c'est très bon pour mes épisodes. Habituellement, c'était 300, 400. Puis là, on est dans le 750 et tout. Alors, puis audio, je n'ai même pas vérifié. En fait, ça doit avoir monté aussi. C'est à peu près ça aussi. Là. C'est dans ces eaux-là. C'est à peu près le même auditoire audio que vidéo. OK. Bon, ben c'est parfait. On a sûrement ramassé le monde de Rétro Nouveau qui était en... Ceux qui savaient en perdition, s'il y en avait qui savaient. Les vieux de la vieille, qui voulaient continuer à nous écouter. Là. Exact, exact. Ben aussi, c'est grâce à toi, JF, là, tu fais un excellent travail. Tu t'apportes beaucoup. On a juste changé le branding de ce qu'on faisait à Rétro Nouveau, puis on a continué. Bon, on a gardé une couple d'affaires, en effet, là, mais on va faire. Dont les excellentes publicités complètement psychédéliques d'avant-show. Là. Oui, oui, puis d'ailleurs, pour celle-là de cette semaine, tu as fait un spécial, JF. Oui, il y avait un petit bout d'un certain lutteur des années 2000, 2004, je dirais, à Valleyfield. Là, qui défendait sa ceinture régionale de la NWF. Une terreur. Une terreur. Des gros bras dans le temps. Tout, là. Fait que ceux qui n'ont pas compris, encore c'était JF qui luttait lui-même, parce que JF est un ancien lutteur. Ça fait très longtemps. C'était quoi ton nom? Jay Carissimo. Jay Carissimo. J'ai trouvé ça en attendant pour m'acheter un Subway m'amener. C'est aussi simple que ça. T'as trouvé ça pour quoi? Parce que j'étais en ligne d'attente au Subway avec Dave. J'étais comme... Faut que je me trouve un nouveau nom, là. Parce que je luttais masqué avant, je m'appelais Yamasuko, mais là, ils m'ont enlevé mon masque. Ok. Je comprends que ça me prend une identité, qu'est-ce que je trouve. J'ai cherché, puis c'est le seul flash que j'ai eu qui est resté, là. Ils ont enlevé ton masque dans l'histoire, là? Non, je suis juste disparu, là. Genre, j'ai arrêté. Ils ont pas fait le lien que c'était moi avant jusqu'à le nouveau, là. Ok, ok, ok. J'ai changé de personnalité. Ok. J'étais un gentil, puis ils ont enlevé mon masque, je suis devenu très, très méchant après ça. Ah ouais, hein, le monde voulait pas m'aimer. Ouais, ben c'est la face aussi qui. Moi, j'aimerais le monde, il poussait les guardrails sur moi pour me pogner. J'ai dit, all right, je fais ma job. J'ai été longtemps sans avoir de finisher parce que je faisais juste tricher pour gagner avec mon coach tout le temps. Là. J'avais un manager incroyable. le maître chanteur. Je venais de Belleville, Ontario. C'était tout fou, là. Tout pour me faire vraiment détester. Un hostie d'Ontarien, en plus. Un hostie d'Ontarien, le gars, le coach, que j'ai un dude chauve de 50 ans qui fait juste tricher. Tout était parfait. Wow, man. Un highlight de ma vie. C'est vraiment une belle époque. Je regardais, j'avais 21 ans là-dessus. Là. Quand même. J'en ai 41. Ça fait 20 manque, ans. Ça me manque de tomber dans un ring. Écoute, tout est possible. Tu peux revenir, man. Et me casser les genoux. Déchirer un ACL. Ouais, faudrait que je me traîne beaucoup. Casser les genoux. Fait que arrivez tôt pour écouter toutes ces belles choses-là que JF met pour vous. Des nouvelles pubs dans le bloc de pubs, des nouveaux jeux. Ouais, ça continue. Là. On a repris les anciennes de Rétro Nouveau pour les comme 4-5 premiers blocs de pubs. Là, c'est tout du nouveau stock que je sors puis je le pousse. Là. Exact. On va avoir une belle rotation. On a une vingtaine, on n'aura pas une fois par année qui va être la même affaire. Puis tu fais tout le temps un effort aussi de bien mélanger les sortes. Ouais, fait que là, c'est comme Sega, après Atari, après Nintendo. Du japonais qu'on comprend rien. Du japonais, après ça, une affaire pas rapide. Moi, j'ai du plaisir à fouiller dans les vidéos puis juste monter ça. Là. C'est, ça va vite, c'est cool. Là. Exact. Puis ça finit tout le temps avec, un segment de pierre à feu. Oui. Bien sûr, très important. Alors, les pierres à feu sont là. On veut un comeback de Jay Carismo qu'on dit. Ben, dites-moi-les pas trop parce que ça pourrait arriver facilement. Là. Des fois, je regarde mon saut de mes bottes puis je suis comme. Hey, Chris, c'est qui doit plus me faire, ça? Ben, c'est du lycra, ça c'est encore. Dire, là, tu le. C'est pas comme si tu devais avoir pris 30 livres de beden. Non, j'ai pris 40 livres depuis le temps que je luttais, par exemple. Ouais, mais là, t'es devenu... Dans beden, je suis gros aussi. Ouais, mais t'es pas gros non plus. Tout est dans mes bras, anyway, maintenant. Là. C'est ce qu'on a appris l'autre fois, là, ça a l'air. Un comeback au Garden Party. C'est que ça serait hot. Tu pourrais pitcher du monde dans la piscine. Là. Faire un party dans un ring, quelque chose. On essayera ça. Eh ouais. Malade. Et puis, je voulais remercier aussi tous ceux qui sont venus à la séance de signature de Sabotage Studio vendredi dernier chez Arcade MTL. En fait, ça a été... c'est vrai, hein, Jean Crougeau, tu iras au podcast non, de Jean Crougeau. Non, jamais là. Je savais pas qu'il y avait un podcast. Je l'ai pas en... Comment on dit ça? Tu l'aimes pas, tu le vois. Je l'ai pas dans mon cœur, Jean Crougeau. Ah ouais, hein? OK. On en parlera une autre fois, peut-être. OK, on en parlera dans notre épisode spécial. Il y a des histoires. C'est lié avec des gens qui sont rendus très haut maintenant. OK. Je vous dirai le background un jour. Des choses que juste toi, tu sais. Là, pas des affaires qu'on peut lire. Je pense pas qu'on peut lire ça. C'est pas caché non plus, là, mais c'est pas tant connu non plus. Là. OK, OK. Disons que Kevin Owens s'entraînait avec lui avant. Ouais. Puis Rougeau, il a dit, genre, je vais te promettre un try-out de WWE, mais tu restes avec moi tout le temps. Tu joues pas ailleurs. T'es juste moi qui va te gérer. Puis tout. Puis Kevin, il a dit, fuck you, je vais me rendre genre par mes propres moyens. Puis ça, il a pris 15 ans, puis il s'est rendu au top, là. OK. On l'a vu, là. Ouais. Mais c'était ça, là, un peu, le fait que... Qu'est-ce qu'il y a de mal à... Bon, je sais pas. Puis Rougeau haïssait toutes les fédérations indies dans le temps, tous les gars comme moi qui luttaient, puis ce genre de gang-là, là. Fait que, ouais. Lui, c'était un pro, tu sais, fait que tu peux pas faire ça de façon semi-pro de même. OK. Fait qu'il y avait une guéguerre à l'interne. Mon Dieu, mon Dieu. Voilà. Oh là là. Rougeau, il est où? En podcast? Kevin est où? Au top. Ouais. Ben, à sa défense, Rougeau a été au top aussi, comme un sacré bout de temps. Quand même. Voilà. Ouais, ne pas négliger les Quebecers. Puis à Cal Ouellet, tout le monde. Absolument. Sim Simon qui dit, tu veux voir de quoi de malaisant? Marc Labrèche a fait son podcast sur son camping. Ah oui, j'ai vu ça, wow. Marc Labrèche qui parlait de Jean Crougeau. Juste un segment, c'était fascinant. Ah, wow. Fait que oui, donc je veux remercier les gens qui sont venus chez Retro MTL, plutôt, pas Arcade MTL, pardon, pour rencontrer le studio Sabotage qui venait pour signer des copies de Sea of Stars et Messenger, ceux qui voulaient l'amener, ils avaient le droit. Et puis moi, je pensais qu'il allait venir peu de gens, puis finalement, du studio 2, tu sais, finalement, ils sont venus 12. Fait que ils sont venus en 3 chars, man. Ils sont partis de Québec, ils sont venus ici, ils se sont tout installés. Il aurait pu faire un mini boss là. Quasiment, hein, faire le party tout le long. Ouais. J'avais peur qu'il n'y ait pas beaucoup de monde parce que ça se passait dans le jour, tu sais. Vendredi, le monde travaille. Là. Puis c'était le jour du lancement du jeu aussi. Fait que encore plus content qu'ils viennent le jour du lancement du jeu parce qu'une semaine plus tard, ça aurait fait weird, là, tu sais. Fait que les gens sont venus récupérer leur précommande. Les gens y ont acheté pendant la semaine pour venir justement faire signer en même temps. Et puis, les gens de Sabotage ont été hyper, hyper généreux de leur temps. Ils ont fait tirer 5 sacs de goodies. Très cool. Puis, chacun des sacs contenait une copie de Messenger neuf qui vaut genre 300$ à ce temps-là, une affaire de même. Et puis, j'ai vu par contre, 2 personnes m'ont envoyé ça d'un listing eBay de quelqu'un qui a mis sûr, là, à 1900$ sa copie signée de Messenger, signée par les membres du studio. Ça vaut pas ça. Ben, ça vaut ce que les gens... Ils vont à la pêche, tu sais. Puis la personne a grabé aussi les photos que nous, on a fait dans nos médias sociaux. Puis il a mis ça dans son listing eBay pour prouver que ça est signé par des... Sale revendeur. Fait que puis je sais très bien c'est qui la personne en plus, genre, c'est une personne avec qui j'ai eu certains problèmes avec la page de Retro MTL, et puis ça s'est replacé, puis après ça, personnellement, j'ai déjà acheté un jeu, tout était correct, puis en tout cas, bref, c'est bizarre. Mais c'est pas très cool de faire ça. Ben non. Et puis vraiment pas. Et puis, il aurait pu attendre quand même un peu, là, pas genre 4 jours plus tard. Faire un profit de 1600$, de quoi qu'il n'y a rien coûté. 1900, man. Ah ben oui, ça n'y a rien coûté. Ça n'y a rien coûté du tout, j'avoue, le jeu. Là, je pense qu'il l'a gagné dans le tirage. Wow. Où il est venu le faire signer puis il l'avait déjà. Je sais pas, j'ai raté. Là. Il n'utilise pas son vrai nom deux places. Mais bref, fait qu'il y a des gens qui m'ont rapporté ça. Mais moi, qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est pas, je contrôle rien. Fait que c'est vraiment plate. Et puis, mais outre ça, ça a été chill et puis vraiment très, très beau. Alors, c'est hot. Bien, bien, bien content de ça. Merci à tous pour votre participation. Puis nous autres, on a un grand magasin ici pour ça. Ouais, c'est cool pour toutes les compagnies québécoises de venir faire ça. Là, venez. Là, tout le monde qui a un jeu physique à launcher, venez-vous-en. On va les faire ici. Le prochain qu'on veut faire, c'est Turbo Kid. Ouais, ouais. Et puis, on attend là, qu'ils travaillent sur leur jeu physique qui va arriver un moment donné. Je pense que c'est un peu plus long que prévu, mais ça risque d'être celui-là le prochain. Il va falloir engager du monde pour venir faire des flat, de BMX flat sur place, je sais pas quoi. Juste debout à tourner. Mais... Exact, exact. Fait que c'est ça. C'était un beau moment et puis c'est tout pour les nouvelles de ça. Et voilà. Sinon, moi, personnellement, j'ai arraché beaucoup de Prolord, JF. Ouais, j'ai des coupures partout sur les mollets. Et j'ai vu la machine, t'as pas. Genre le gros buffer. Je suis that's it. Là, c'est de la grosse job manuelle, ça. Là. Hey, parce que c'est le fun à faire. Ça coupe, là, mais c'est le fun. Tu l'as déjà essayé, ça? Ouais, mais pas sur du Prolord. C'est une affaire pour buffer des planchers d'hôpital, là, mais j'en ai fait. Là, ouais. C'est dur, c'est les bras, là. C'est. Un samouraï. Samouraï. Fait que, excusez, on lit les commentaires. Ouais. Fait que, mais oui, cette machine-là, c'est parce que moi, j'ai un logement qui s'est libéré au-dessus de chez nous. Moi, j'ai un triplex, puis j'ai deux logements au-dessus du rez-de-chaussée, donc, puis deux locataires, puis une dame qui est partie. Et puis, là, elle avait trois couches de Prélor dans la cuisine, par-dessus le bois franc d'origine. Puis moi, je voulais le ramener au bois franc d'origine, tu sais, pour que ça soit propre. Et puis, ben là, c'est de la grosse colle noire, hein, direct sur le bois. Puis là, j'avais un heat gun, puis ma spatule, puis là, j'ai gossé un peu, puis j'ai dit, mon Dieu, mais ça va me prendre genre un mois, là, faire ça. Ça va m'arracher le dos. Fait que mon contracteur, il a dit, va chez Turbo, location d'outils, quelle place magique. Ah, j'aime ça louer des outils, là. Ah, c'est tellement le fun. Ah oui, puis c'est des affaires, tu t'achèterais jamais. Mais non, mais là, t'sais. Quand j'ai refait mon genre de passion en arrière, j'avais loué la machine pour taper la petite pierre qu'on cassait. Ah oui, oui. C'est le fun. Ben moi, c'est ça, c'était sur un bâton de même. Au bout, il y a une lame, puis la lame a fait des rotations comme ça, mais très rapidement. Fait que ça donne des petits coups, tu sais. Puis ça, tu peux l'utiliser avec la lame d'un côté pour de la marqueterie ou parquetterie. De la parqueterie. Et puis, toi, t'en as de la parqueterie chez vous, Jeff? Oui, c'est ça. Si tu veux enlever ça, c'est l'outil qu'il te faut. Je pourrais. Pas rendu là, mais je pourrais. Exact. Ouais, ça, c'est de l'ouvrage. Ouais, je sais. Mes affaires réparées, là. Puis quand tu tournes la lame de l'autre bord, ben c'est bon pour le vinyle. Alors, moi, j'ai tout arraché ça. Et puis, mais là, j'ai mal au bras, là, tu sais. C'est rough, ces bras, c'est clair, là. C'est bien de la pression, puis de tournage. Puis ça, c'est pesant quand même, cette machine-là, parce que ça prend un poids pour pousser, tu sais. Puis ceux qui écoutent le podcast savent que j'ai des problèmes de tunnel carpien, de bras engourdis. Tout va mal. Ben là, man, là, ça a tellement shaké dans mes bras pendant tout un après-midi. Ah, Larry dit que la machine pour arracher les tuiles s'appellerait un samouraï. Ben, un samouraï, OK. Si c'est le cas, props, c'est écœurant. C'est malade. Ben moi, en tout cas, le nom, c'était écrit Eddie dessus, en hommage à Eddie Vedder de Pearl Jam, sûrement. Brasse les cheveux. Et puis, les gars chez Turbo, ils appelaient ça un Eddie aussi. Fait que j'ai appelé ça un Eddie. Mais ça a un vrai nom. Sûrement autre qu'un samouraï aussi, d'ailleurs. Mais, c'était une marque. Ben, mais un Eddie, c'est cool, ça. Ouais, mais moi, la machine, elle s'appelait pas samouraï, elle s'appelait Eddie. Alors, voilà. Fait que là, man, les travaux commencent ce lundi, les travaux de rénovation à l'appartement. Avec l'amiante pis tout, là. Il y aura pas d'amiante, finalement. Il y a pas de perçage. Pas de... Ben, il y aura un perçage de mur pour faire sortir la hotte de cuisine dehors. Mais outre ça, il y a pas d'arrachage de mur ni rien. Puis il y a personne qui me fait chier avec des rapports d'amiante pis des esthétiques d'amiante. J'ai jamais à bobber. Fait que, hein? J'ai dit qu'il mange la marde, Bobby. Bobby. C'est celui que t'avais appelé au début, non? Mon contracteur, ouais, c'est Bobby. C'est lui. Je suis surpris que tu t'en rappelles. Je pensais non, que c'est Bobby, qui... c'est le bon. Ok, je pensais que c'est lui qui, t'avait... qui voulait te charger de la miante. Non, non, non, non, non. Ben, il était gentil. Non, j'écoute quand tu parles. Ben, je vois ça, je vois ça. Mais Bobby, non, c'est Bobby, man. Bobby Bouchard. Nice. Contracteur. Les entreprises Bouchard. Bouchard. On a tout checké ça un matin, puis ça va commencer. Mais là, j'ai peur. Tu sais, ces gars-là, je ne veux pas parler dans le dos de Bobby, là, mais c'est en général. Là, tu fais faire des plans, personne ne regarde jamais les plans. Ouais, fait que là, le gars, il est au courant de rien. Ben, il a envoyé son foreman, celui qui va checker les travaux. Puis il était au courant de rien. Fait que là, il fallait que j'y explique. Mais tu sais, cartes. Ouais, ça, ils ont leur carte. C'est tout legit, là. Et puis, les gens qui avaient fait mon sol aussi, j'avais des plans, ils regardent pas. J'avais fait faire des plans pour les docks d'aération, pour les mettre aux bonnes places. Le gars de docks d'aération, ils avaient pas checké. C'est comme, Chris, si je paye, moi, pour ces plans. Checkez-les, je suis pas là. Faites pas n'importe quoi. Ils font quoi? Ouais, ils viennent puis ils font ce qu'ils veulent. Ben, ils checkent, là. Fait que là, c'est quoi, donc? OK, ouais, c'est ça. OK, ouais. Puis là, il prend pas de notes. Là, j'ai la chienne. Ah, c'est pas loin. Fait que c'est ça. Je comprends ça. Fait que je risque d'être un peu fatigué au cours des prochaines semaines. Ben, je serai pas fatigué, c'est pas moi qui fais les travaux, mais ça va me prendre un espace mental. Ah, c'est clair, là. Mon Dieu, hein, c'est assez. Vos tracks sont pas balancés, Michael. Non, j'aime ça mettre du bon. Parfait, je l'ajuste live mais grâce au Patreon. Fait que oui, puis je ferai un update là sur. Fais des TikTok. Des TikTok de construction. J'avoue. Bon, check l'épée qui a pas checké le plan encore, là. Avec le gars devant toi. J'ai dit de mettre un doc là, il l'a mis là. Puis... tu t'arranges pour avoir le logo de la compagnie du gars dans le plan pour être. Hey, t'arrêtes de faire la job que je t'ai demandé. Là. Hey, mais. C'est pas toi, Michael, c'est peut-être moi qui avais mal. Là. Voilà. Michael qui se défend dans Il se défend dans le chat. Cette toune-là est assez épique d'ailleurs. C'est quoi ça, Michael, cette toune-là? Palace Games qui est dans la place. Ouais, encore une fois, c'est le fun, il est là tout le temps. Eh ouais. J'adore cette toune-là, Michael, on dirait du NES. Falcion sur Famicom 10 System. Ah, c'est ça. My God. C'est excellent. Fait, j'ai jamais joué à ça. Fait que voilà. Bon, j'avais un autre point en intro, mais je vois pas, c'est pas vraiment la grosse affaire. Ah ouais? Fait que non. Ben, en fait, vite fait, je suis allé, mon fils avait un tournage hier, toute la journée, puis je me suis. J'ai dû me rendre dans la ville de Lorraine. Pas en France, j'ai appris. Mais non, Lorraine, c'est sur la rive nord, mais Laurent. La rive nord, s'en allant à Saint-Eustache. Ouais, ouais, ouais. C'est à 640, c'est-tu ça, cette autoroute-là? Hey, moi, c'est maudit, cette autoroute-là. Sors, c'est à 640, ou rentre, c'est à 640, prends-les comme tu veux. J'ai juste pensé à ça. Ah, merde, je ne sais pas, mes autoroutes du nord, là. Moi non plus, je les suis, mais je ne les sais pas. Mais exact. Ouais, c'est pour elle. Fait que la ville de Lorraine, man, c'est propre en temps, là. C'est comme... wow! Puis ce que j'aimais, c'est qu'il y a des énormes maisons là-dedans, mais aucune pareille, tu sais. C'est toutes des maisons différentes, énormes. On dirait qu'elles ont toutes été faites pour la plupart par des architectes. Des vrais des architectes pensés, tu sais, ça. Chaque maison est comme une œuvre. Et puis c'est entretenu, c'est propre, des grands arbres matures, c'est tranquille, tu sais. Puis le shooting, le film, le tournage était dans une espèce de maison bungalow-ish là, que lui a définitivement été fait par un architecte. Là. Ouais, ouais. Puis tous les paliers, un des foyers, la pierre partout, c'est fascinant. C'est hot, sérieux, je suis tombé en amour avec cette ville-là. Et puis, ça fait pas loin à aller si tu vas aller au marché aux puces Saint-Eustache. Ce qu'on veut tous. Autant de pas propre à côté du propre. Ben oui, pour balancer. Pour balancer la terre. Et puis, voilà. Alors, je vais me renseigner, man. Ça se pourrait que je finisse mes vieux jours à Lorraine. Ça a l'air tranquille. J'ai bien aimé ma visite. Nice. Yes. Toi, t'avais-tu des choses à dire avant qu'on rentre dans la c'est collection? C'est assez tranquille. Ben, suite et fin pour la piscine, là. Finalement, c'était Club Piscine Les Épais, là, ça a l'air. Là. Quand on s'était laissé la dernière fois, il avait mis... des tuyaux qui tiraient pas l'eau de la piscine, il y avait rien qui marchait. Ok. J'ai rappelé mon piscinier, là, mon gars qui ouvre la piscine, qui est venu, puis première réaction qu'il a faite, c'est « Oh, tabarnak, c'est quoi ça? C'est une joke? » Qui a fait ça? J'ai dit « Club Piscine, Ghislain Hurtel chez Club Piscine à Saint-Hubert. » Je fais « Ouais. » Petit tabarnak. Il a pris deux cutters, clac, coupé deux tuyaux, il leur fait comme il faut le fitting. Il c'est sûr qu'il y a des fuites d'air, ça tirera pas du tout. Là, il le fait, ça a pris 5 secondes, il repart, bouf, tout se met à marcher. Je suis comme « Wow. » Ben là il dit, il dit ça, il dit pas en moi qu'il me fait ça, puis il dit, t'aurais dû me le dire, moi je te l'aurais plugué l'électricité dessus, fait que j'ai payé un gars d'électricité pour rien, là. J'aurais dû juste faire affaire avec eux autres, faire mon suivi avec mon piscinier, point. Là. Mais ton piscinier, c'est-tu comme un pigiste, ça? Non, c'est, c'est piscine JC Multiservice à Saint-Hubert. Dans les gars avec des tatous derrière la tête, les meilleurs pour t'ouvrir la piscine. Là. Calisse, man, fais affaire avec ces gars-là, man. Mais sinon, mais c'était comme, c'était un des jobbers. Pas des jobbers, mais tu sais, c'est des juniors qui ouvrent les piscines. Là. C'est pas le gars qui vient, mettons, réparer les tuyaux et tout. Ouais. Puis on juste dit ton moteur est sauté, on va te contacter. Mais il dit toi t'es beau, fait que tu vas le plugger, au pire tu peux le faire toi-même. Fait que moi je dis ben de la merde, on va faire moi-même, tu sais. Le club piscine c'était genre 165, je dis ben venez le faire d'abord en même temps que je l'achète, tu sais. Puis ils ont fait un job de cochon, ils ont pas plugué l'électricité, puis ça a coûté l'électricité, puis finalement ça marchait pas, tu sais. Ouais. Fait qu'on est voir le gars, puis le gars était comme si ça recoule, reviens nous voir. Je dis hey fuck you, tu m'as pas donné mon service du tout que je t'ai demandé là. Tu m'as posé deux hosties de tuyaux, les deux fucking tuyaux coulaient. Le gars, comme, il a pas mis de c'est quoi la fois que tu mets le petit tape blanc, là, quand ouais, tu... le... Là, il avait même pas mis ça, je suis comme... Du frillon, mais c'est pas ça. Filon, ouais. J'ai du... Ah! Ah! Attends. Du teflon. Du teflon, voilà. Il avait pas mis, ça coulait. Fait que bref, tout était correct, c'est juste que ça coulait, tu sais. Ah ouais, hein? Fait qu'ils ont pas fait une bonne job du tout. Fait qu'allez pas chez Club Piscine pour aucun service. Jamais. Surtout pas celui à Saint-Bruno. Allez pas là. Allez-y juste pas. Et voilà. Mauvais c'est ça. Dit. On vient de perdre cette commandite-là, mais c'est pas grave. Regarde l'autre, mon piscinier. Là, exact. De JC Multiservice. Les pisciniers tatoués en arrière de la tête, man. Du monde qui savent. Les meilleurs. Donc, la piscine, est, genre, le gars, il est venu vendredi. Dimanche, tout était propre. C'était parti. Caroline. Elle était lundi, la semaine passée, elle était à 58. Elle est présentement à 84. Caroline, on peut y aller maintenant. Quelqu'un sur Discord me demandait, genre, ça marche vraiment, des panneaux solaires, tout le monde que je connais qui en ont, c'est de la merde. Ben ça fonctionne en crise là. Surtout aujourd'hui. Ouais, c'est ça là. Fait que c'est une grosse piscine chauffée 84. Je me suis baigné trois fois déjà. Bon, voilà. C'est réglé. Mon gars aussi. C'est... Les bains de minuit. Ouais. Minuit, la zouine. Minuit, la zouine à l'air. Tout seul, la zouine à l'air. Hey, on a El Douderino 2323 dans le chat qui dit que Lorraine, il y a une pèse sur les camions. Tu dois payer pour tes poubelles. Trop cher. C'est intéressant ouais. Ça. Wow. Ben tu vois, moi je suis pas tout à fait contre ça. Ainsi, il n'y a pas des tas de vidanges dehors dans la rue puis tout ça. Fait que moi ces principes-là de payeur-utilisateur, ouais, je pense que des fois je suis pas contre. Ça aide à contrôler les gens. Ouais, ouais, voilà. Voilà, il y a moins d'abus comme ça. Combien ça coûte, je ne sais pas, là, mais. Je te garantis, M. L. Douderino, que je vais me renseigner à tout le moins avant de m'acheter un bungalow fait par un architecte à Lorraine. Mais on va checker ça. Aïe. Bon, ben voilà, coudon, on va s'en aller en collection dans ce oui. Cas-là. Oui. On a-tu un panneau? Ouais, on a un petit panneau, alors on s'en va dans la collection. Et cette semaine, j'ai quatre nouveaux jeux de Super Nintendo. Oh, yes. Là, je t'ai fait préparer une affaire, mais mets-les pas dessus. Non, non, mets-les on toute va fin. Aller sur là, on va la avec table la magique ici. Alors, on commence avec quelque chose de très simple. Il s'agit de... TNN Bass TNN Bass Tournament of Champions. Un jeu fait par nos amis de American Softworks. Donc j'ai aucune idée de ce qu'ils ont fait d'autre. Et puis ça vaut. C'est vraiment 10$ ça? Ben c'est ce que tu m'avais envoyé. C'est là. Ça je t'ai donné, ok. Moi voilà. Je me suis trompé, mais. Non, tu t'es pas trompé. C'est ce qu'on appelle un filler. Donc c'est de la merde. Et puis je sais pas pourquoi, je n'avais pas encore ça. Là j'ai fait un dans les excellents jeux de pêche, là. Ben j'imagine, mais il y en a quand même plusieurs. Ouais, hein, quand même. Sur NES. Sur Super NES, il y en a beaucoup, ouais. Fait que puis tout ce qui est bass. T'en manges-tu beaucoup toi du bass, JF? Non. Ça a l'air que c'est bien, bien bon. C'est quoi en français? C'est quoi bass? En français du bass? Je vais chercher bass, ça va me donner bass. Y a-tu des pêcheurs dans le chat? On aurait pas les pêchés de Dieu, là! Les poissons! Poissons bar! Ah dit. Oui, c'est du bar. Bash fish. Donc du bar rayé. Ouais, du bar rayé. Non, c'est pas de ce que je mange le plus, là. Non, moi non plus. J'ai vécu mon enfance dans une maison où est-ce qu'il y avait aucun poisson et fruits de mer. Ah, ma mère, ça m'écœurait. Mais pas du poisson blanc, là? Non, rien. Rien. Fait que j'ai commencé ça très tard, genre après l'université, là, manger du poisson avec mes blondes, puis là, tranquillement. Fait que j'ai développé mes affaires, mais c'est pas quelque chose qui me fait triper, là, du poisson encore à ce jour. J'ai comme un blocage, c'est à cause de mon éducation. Mais ce que j'aime, par exemple, c'est d'avoir mes jeux de poisson de Super NES qui vont dans ma collection. Alors, un de moins... Très facile celui-là, pourtant. Mais j'attendais d'en avoir un beau aussi. Hein. J'en ai vu passer des pas beaux, plusieurs. Puis je n'ai finalement eu un beau. Moi, dans les poissons, je suis le gars qui pogne tout le temps la rate, là. Genre, ah ouais, si y en a un dans la plaie de repas, c'est moi qui la pogne, c'est ah. Ça. Dans sauce à spaghetti, je pogne tout le temps les clous de girofle ou les feuilles de laurier. Dans les poissons, je pogne les arêtes. Dans les omelettes, je pogne les coquilles. Même toute la marde qu'il y a sur le marché, moi, je la pogne. Petit gag de Slapshot. Ouais, là, ouais. T'as catché. Ouais. Toi, tu sais toutes mes jokes de Slapshot. Prochain jeu de Super Nintendo, il s'agit de Brutal. Paws of Fury, donc les pattes de la furie. Brutal. Et puis, il s'agit d'un jeu de fighting, parce qu'on sait qu'à cette époque-là, Street Fighter était très populaire. Alors, ils se sont mis à faire des jeux de fighting avec absolument fucking tout. Et puis, ce jeu-là a quand même des versions. Hey, si je me trompe pas, il y a des... Il est où mon téléphone? Attends, je vais juste... Démence. Le téléphone ouvert devant lui. Oui, ou mon téléphone. Sauf mes lunettes. Pause. Là, je regarde dans Price Charting. Pause. C'est pas de la bonne TV, là, mais on y arrive. Bon, parce que ce jeu-là est pas mal plus répandu que vous pensiez. En fait, pas tant. Sega CD, Sega Genesis, Super Nintendo. Je pensais qu'il était genre sur le Jaguar, quelque chose de même. Fait que oui, c'est un jeu pas bon. Il me semble que j'ai déjà entendu du monde dire qu'il avait apprécié, mais moi, toutes ces espèces de jeux de cochonnerie de fighter là, il y en a très peu que j'apprécie. Mais étrangement, pas si simple, pas si commun là. Ça court pas les rues tant que ça non plus. Ça vaut pas cher, mais c'est pas si facile à trouver. Tous les jeux que t'achètes dans la collection, t'es essayes-tu quand t'y reçois ou... J'en essaye aucun. Aucun, ouais, c'est ce que je me disais. Fait qu'il peut peut-être avoir un board là-dedans de... Y'a rien, de zoop. Genre, zoop. Ça, c'est même pas... Ben oui, les boards, je les nettoie avec un Q-tip. Ouais, ouais. Je nettoie toutes, puis je le mets sur la tablette. Puis je les teste aucun. Manda, c'est Othello, là. Ça se peut. Othello, la version... Othello. La version Wish. Ah. Ah, prochain jeu, il s'agit de Mary Shelley's Frankenstein. Donc, ça, c'est... combien ça vaut, ça? 30$, c'est 30 ça? 30 beaux dollars. Pas commun, ça, du tout non plus. Et puis, j'ai jamais vu ça, non? Non, c'est développé, je sais pas, publié par Sony, mais c'est dans la veine, là, des jeux Sony, du Super Nintendo. Sony avec la petite plume, là, le logo, là. Oui, qui est gage de... qualité. Moi, j'ai beaucoup aimé Soul Blazer. Mettons ceux qui ont de la petite plume dessus que je me souviens. Puis il y en a quand même beaucoup. Soul Blazer. Sky Blazer. Ouais, en effet. Ça, c'est vraiment bon. Et puis, il y a des Star Wars aussi. Et puis, il y a Hook, il me semble, aussi. Hook, ouais. Qui est très bon. C'est un hidden gem, ça, mesdames et messieurs. Puis, ce Mary Shelley Frankenstein, je dois avouer que j'ai jamais regardé du gameplay... Serais-tu capable d'en mettre vite fait? Oui. Ou ça va tout fucker le show? Non. On va aller voir du gameplay de Mary Shelley's Frankenstein, mesdames et messieurs. Fait que... ouais. On l'avait déjà eu complet en boîte chez Retro MTL. Et puis, c'est plate quand on reçoit ça. Parce que moi, j'en veux pas la boîte. Je veux juste loose pour ma collection. Tu peux sortir des films. Des... Ah oui, faut que tu tapes SNES. Ouais. Gameplay SNES. SNES. SNES. Je l'ai ici. On revient ici, on s'en va dans Screen. Excellent. J'avoue que ça... Oh. C'est ça, c'est un genre de... Il y a un autre jeu qui ressemble un peu à ça, Nosferatu. C'est un genre de Prince of Persia-esque, là, dans cette veine-là que tu marches doucement. Comment est-ce qu'on appelle ça, non? Un animated platformer, je pense. Que Fred avait dit. Cinématique platformer. Un cinématique platformer, ouais. dont Lunar qui en était un aussi, mais très pixelisé. Ouais. Là. Out of this world, tout ce genre d'affaires. Style de jeu que j'aime quand même, mais ça, ça a l'air ouf. Mais là, c'est un segment qui était très brun. Ah, c'est tout le temps tout sale. Il y a comme du brouillard là, qui se promène. Mais Colin, ça... Il y a de quoi. Il y a de quoi. Ça mérite un essai. Ça, c'est sûr. C'est 51 minutes, tout le gameplay complet. Ah, ben ça me plaît, ça. C'est pas trop long. Projet de WEG. Projet de WEG. Pour avoir pas de fun. Hey, j'en ai d'autres projets de WEG. Ça sera lors de ma prochaine critique que je vais en parler. Il n'y en aura pas d'ailleurs cette semaine de critique. Alors, ça a pas à donner. Moi, je travaille un jeu pendant très longtemps, là, puis je l'achève. Dans les deux dernières semaines, j'ai eu une soirée que je pouvais le jouer, mon jeu que je voulais faire, puis j'ai juste, je suis mort. Je me pluguais pour faire du stream, mais j'ai fait « Ah, ça me tente plus. » Je me suis juste couché. T'es pas obligé de streamer non je plus. Je sais, là. Mais j'avais le goût de le streamer, puis je l'ai pas fait. Bon. Manquer d'énergie. T'as le droit de dormir aussi. Ça arrive des fois, j'ai besoin. Exact. Dernier jeu qui était le deuxième plus dispendieux sur ma liste. Ouais. Il s'agit de Aero the Acrobat 2. Donc, 100 tomates pour acquérir ce douteux platformer pas très bon. Sunsoft. Dont Sunsoft ont essayé de faire une mascotte de. Et puis, c'est pour ça qu'il est un petit peu partout sur le late shit de Sunsoft, quand même, Aero. Ils ont vraiment essayé fort d'avoir une mascotte avec Aero. Puis, tu sais, il est pas... il est cute, là. C'est pas... Ben oui, il y avait de quoi à faire avec ça. Ça fait un job. C'est puis, un pas-la-touche, c'est quoi? C'est un rat. C'est un rat avec une cape, avec un... Ah, mais c'est un genre de petit vampire, là. Il y a des petites dents. Et puis, je sais pas... Ah, ben, c'est une chauve-souris. Ah, ben oui. Ben oui, c'est un vampire. C'est un vampire chauve-souris. Je pensais que c'était une cape. Mais non. Alors, Aero the Acrobat, la chauve-souris acrobate, mesdames et messieurs. Ils ont fait un 2. Ils ont vraiment poussé fort parce que le 1, c'était pas bon. Fait que le 2, j'imagine que c'est pas bon non plus. Alors, voilà. Mais je suis content de l'avoir. J'ai tout trouvé ça de quelqu'un qui vendait plein de jeux de sa collection sur le CCJVQ. Il y a d'ailleurs une réunion de CCJVQ en fin de semaine dernière. J'étais pas présent. Pas je boffais du plancher. mais bref, j'ai trouvé ça. C'est 4 jeux quand même. C'est rare, là. Là où j'en suis, là. Ouais, ouais. 4 jeux one-shot, c'est dur. D'ailleurs, pour parler de là où j'en suis, tu peux mettre le panneau, Jean-François. Alors, j'ai concocté, en hommage à l'époque où est-ce que Fred et moi, on se faisait la guerre des full sets. J'ai fait un panneau ici pour ce qui me reste à acquérir du full set de Super Nintendo. Alors, j'en suis à 705 jeux sur 721. Et puis, j'ai mis les 16 qu'il me manque avec leur valeur en dessous. C'est une valeur price charting arrondie aux 5$. Donc, c'est certain que Syndicate, à 200$, c'est le plus cher qui me manque. Mais, tu sais, mettons, si je le veux, je vais être obligé de l'acheter sur eBay. Puis là, il va être un peu plus cher. Puis il va avoir du shipping. Il va sûrement me payer 2,60. Et le jeu Goal de Jaleco, il me semble qu'il était tout le temps au club vidéo quand j'étais petit. Puis personne ne le louait jamais. Ah là. Non, man. Puis il y a Goal, puis Goal 2 aussi sur NES. Puis il y a Goal 2. Goal 2. Goal 2. Super Nintendo. Il y en a des hosties de Goal, man. Mais le jeu de football en haut, en bas, Sterling Sharp end-to-end, man, c'est une drôle d'affaire, ça. C'est une drôle d'affaire. J'ai oublié que t'avais pas Mickey Ultimate Challenge déjà, que tu fais les jeux de Mickey d'habitude, là. Oui, ben, je sais pas exactement quel genre de jeu que c'est ça. C'est-tu un jeu de mini-jeu? Je sais pas, mais il est dans tout ça, il est dans les faciles. Jeopardy est définitivement le plus facile. Ouais. Et puis moi, parce qu'il y a aussi Deluxe et puis Sport, je pense. Et ça, je les ai tous, mais le Jeopardy, propre, je suis jamais tombé dessus. Et puis moi, j'ai envoyé cette liste-là sur les internets pour demander aux gens de m'aider. Puis là, bien sûr, tout le monde m'a dit qu'il y avait un Jeopardy. je m'en fous là, qu'il y ait un Jeopardy. À London, Ontario, là, je vais pas le faire venir jusqu'ici. Là, pour 5$. C'est ça. Hey, j'ai un Jeopardy. Mon Christ, t'en as-tu 4-5 là-dedans avec Jeopardy, peut-être? Ouais. Fait que c'est ça. Et puis, l'espèce de bonhomme étrange en bas à gauche, ça vient. C'était sur le cabinet d'arcade de Super Nintendo qui s'appelle. Au NES, c'était Play Choice, puis au Super NES, le cabinet d'arcade, j'ai oublié le nom. C'est comme une manette de Super NES difforme là, qu'il y a dans sa face. Si c'est ça que tu regardes. Non, le bonhomme bleu, là, mauve, là, en gauche, là, dans le visuel. Ça, cette affaire-là. Alors, c'est sur l'arcade, parce qu'il y avait un cabinet d'arcade avec une slot, avec trois slots de jeux Super NES. Dans le temps, ça existait, c'est très beau, j'aimerais ça avoir ça. Fait que c'est le bonhomme qui avait dessus, je trouvais ça beau, là, c'était raccord. Ah, je checkais le robot qui joue au baseball. Là. Oui, ça, c'est Sporting News Baseball. Fred Gemus, il en a pogné un dans la nature, mais il est vraiment pas beau. Il va peut-être me le donner. mais il est pas beau, il faudra que je l'upgrade. Sinon, il y a Jason, la boutique Flip à Québec, qui en a un aussi exactement dans le même état que Fred. Alors, je pense qu'il est pas si rare, il est juste jamais tombé dessus propre. Ouais, ouais. Je sais qu'il y a un GP 1-2, Part 2, le jeu de moto Game Over sur la Rive-Sud ici, mais ouais, il est magané lui aussi, alors je l'ai pas. Sinon, man, le FIFA Soccer 97, ça doit être le dernier qu'ils ont fait. Puis, possiblement, oui. Peut-être que la 64 était déjà sortie, fait que c'est très dur de... je n'ai jamais vu NHL, celui-là. Il arrête à quoi au Super NES? Puis je pense que c'est 97 avec John Van Beesbrook dessus. Ouais, ouais. Ah non, il y a 98 avec Forsberg. Ouais, puis là, le PC avait commencé à faire des jeux de hockey là, à ce temps-là. Ah, c'est ça. Puis même, je pense qu'il y a un alternate cover. Il y en a un avec Forsberg, puis un avec un autre quelque part. Crime. Ouais, il va falloir que je check ça, moi, là, si j'ai pas ça. Je vais checker mes covers. Checker ça comme il faut. Alors voilà, mesdames et messieurs. Alors, à chaque fois que j'aurai des jeux qui vont s'ajouter à ma collection, je vais ajuster le petit tableau ici. Il existe, il y a un jeu qui vaut 2000$ et plus que je n'ai pas compté là-dedans. Et il s'agit d'un Exertainment Mountain Bike Rally et Speed Racer. C'est deux jeux en un. En fait, je dis 2000, il s'agit plutôt de 3500. Si bois. Et puis là, est-ce qu'il compte dans le set ou non? Ceux qui l'ont vont dire que oui, puis ceux qui l'ont ouais, pas vont clair, dire que non. Un peu comme Stadium Events, mais il était retail ce jeu-là, je pense que oui, où il venait avec quelque chose. Ok. Fait que en tout cas, là j'ai pas les moyens de dépasser 3500 sur le jeu. Juste pour pouvoir dire que tu l'as, ça vaut peut-être pas 3500. Non, là je suis pas capable de faire ça, malheureusement. Alors ça sera à suivre et puis voilà, je suis bien content de mon petit tableau là. Ben oui, c'est magnifique. Je trouve ça sympathique. Fait que, ben, on serait déjà rendu aux questions du public, JF. Ben oui. À moins que t'avais autre chose. Non, je pense pas, là. Rien relié aux jeux vidéo, là, de spécial en ce moment, là. Bon, parfait, ça. Donc, on va aller aux questions. Fait qu'on va aller aux questions du public. On va commencer par récompenser Instagram. Magnifique. Alors, il y a une seule personne, parfois deux, mais surtout une, qui commente, qui laisse un commentaire sur Instagram. Il s'agit de Tom Fresh Duff. Et puis, il nous demande toujours des affaires de hockey. Alors, Tom Fresh Duff demande prédiction pour les quatre matchs restants et prédiction pour la finale. On va le mettre à l'écran. Alors, Jeff, toi, tu as un tableau ici à l'écran, en effet. C'est celui de la NHL directement, donc qu'on voit les deux matchs qui restent en ce moment, donc qui est Dallas contre Edmonton et Floride contre New York Rangers. Exact. Donc, finale de chaque conférence, ensuite la finale de la Coupe qui s'en vient. C'est pas des résultats surprenants. Non, pas du tout. Dans l'Ouest, à tout le moins. En fait, je pense que c'est exactement ce que j'avais prédit pour les quatre derniers. Exact. Colorado, gros club, mais Dallas aussi, là, vraiment. Ouais, ouais. Les Oilers, surpris, par contre, ils tiraient de la patte et puis finalement, ils sont revenus. Je suis content que Boston ait fait leur job d'éliminer Toronto et de disparaître tout de suite après. Là. Moi aussi, tellement. Puis je suis content que le Lightning aussi soit fait sortir en premier. Ouais. Balayé quasiment, man. Ouais, vraiment. C'est ça, 4-1. Oui, c'est ça. Ça, c'est pas les pointages. Non, parce que c'est ça, les 4-0. Puis ouais, c'est ça. Balayé, carrément. Presque balayé. Les Rangers ont balayé les Caps. Sans surprise, Caroline ont démoli les Islanders de Patrick Roy. C'était sûr et certain. Ouais. Toronto-Boston, on les haït. C'était quand même le c'est fun. Une série, là. C'était le fun à regarder. C'est du beau hockey, pareil. Là. Exact. Mais je savais pas que les Rangers, c'était une powerhouse de même. Là, ah, ils ont pas de faille en ce moment, je pense, les Rangers. D'après moi, c'est eux qui vont gagner la Coupe. Là. Ah ouais, hein? La Coupe dans l'Est, donc, que tu prédis. Non, la Coupe, c'est l'année finale. Ouais, la Coupe dans l'Est, à la fin, ouais. Oh, ça va revenir dans l'Est. Pour Canada, ça serait Canada-Ouest. La finale va être Oilers-Rangers, selon moi. Puis les Rangers vont finir en 7. Moi, je pense Dallas Rangers. Ah ouais? Et puis, je pense que Dallas en 5. Oh! Non, en 6. En 6. Ouais, Dallas en 6. Et puis, s'il faut prédire les scores, je pense que Dallas. Yo, Corbin Dallas. Dallas et Edmonton, ça va jouer dur ça va se finir en 7. Je suis assez d'accord. Et puis, l'autre bord, d'après moi, les Rangers vont battre les Panthers ben, en 5. Je sais pas, les Panthers sont forts, pareil. Là. Ouais, ben c'est sûr, c'est pas des pourris. Ouais, Rangers en 6, puis Edmonton en 7, puis Rangers en 7 en finale de la Coupe. Faudrait l'écrire. On l'a d'enregistrer, on pourra revenir. On l'a d'enregistrer, OK. Donc, OK, je dis... On va se mettre au jeu tout de suite, on prend les paris. Rangers en 5. Ensuite, je dis Dallas en 7. Et ensuite, je dis, dans la finale de la Coupe Stanley, Dallas en 6. Toi, répète, JF. J'avais dit Edmonton en 7, les Rangers en 6 contre la Floride, et la finale de la Coupe, Rangers en 7 contre Edmonton. Excellent. En prolongation du match 7. L'excitation à son compte, rien de moins. Rien de moins. Alors, voici nos prédictions, mon cher Tom. C'est ça que ça va être, et puis j'ai hâte de voir ça. Après ça, ça va être le repêchage. Oui, ça va être bon. D'ailleurs, qui aura toujours lieu chez vous, dans ton nouveau bar. Tu viendras manger des ailes de poulet au Doritos, là. Ah, moi, j'ai envie de faire ça, pour vrai. Là. Il y a un micro de libre, si tu veux venir. Ça me tente énormément, pour vrai. Je là. Te répète, ben, la date, c'est la date du draft. Puis mes parents seraient contents que le bébé aille dormir à la maison. Marcher en titubant un peu. Exact. Tu prends ton char le lendemain. Sentir la Modelo puis les ailes. Non, ça, c'est juste mallette, la Modelo. Nous autres, on boit de la vraie bière. Là. Puis du fort aussi, pas mal. Des fois, pas tout le temps. Puis là, c'est des ailes que tu fais au Doritos. Ouais, là, j'ai essayé là, les ailes Doritos en fin de semaine au charbon. Donc, j'ai grindé des Doritos épicés puis j'ai fait ça. Je vais faire des petites corrections, mais ça fonctionne. Là. Qu'est-ce qu'il faut que tu corriges? Il y avait trop des gros morceaux, fait que ça l'a asséché un peu le dessus, fait que c'était comme croquant, mais trop sec sur le top. Fait qu'il faudrait qu'il soit plus en poudre, vraiment, comme des épices. Là. Ah, OK. Pour qu'il s'imprègne dedans, puis après ça, je pourrais mettre des. Je pourrais mais c'est le fun qu'il y ait de. C'est quand même bon, là. Ça file pas. J'aurais peut-être pu les arroser un petit peu pendant la cuisson pour qu'ils soient un peu moins sèches sur le dessus, mais dedans, c'était parfait, là. OK. Ça coûtait moins épicé que j'aurais pensé. Puis, ça, c'était des ailes blend, là, avec pas de saveur. De chez Méran à Brossard. C'est là. Ça, c'est ça. OK. Fait que la seule saveur qu'il y avait, c'était Doritos. Les Doritos. J'ai mis des petites épices maison aussi par-dessus, là, que j'avais, là. Mais c'était ça. C'était parfait. Ça fonctionne. Ça avait l'air délicieux. Donc, Monsieur Neveu, j'attends tes defects là, pour me faire ça. Absolument, absolument. S'il y a des defects à la Verlochère, on a des runs de wings à faire préparer par GM. Alors, première question dans Facebook. Larry, je trouve ça étrange comment les prix des jeux modernes usagés physiques de Switch se fixent des fois. Je comprends le mécanisme d'offre et de demande, mais il me semble que les prix se fixent assez vite parfois pour ne presque plus bouger ensuite. Ça m'a l'air quasiment random des fois, mais je ne suis pas en mesure d'évaluer la vraie demande comme toi. Ou peut-être que les premières ventes ont une grande influence. Observes-tu la même chose? As-tu des explications? C'est vrai que, mettons, pour les jeux modernes et Switch, bien sûr, comme tu vas sur... Mettons, t'as un jeu... Paper Mario, il sort demain. Là, ouais. Sur Switch. Puis là, il va avoir... Sa valeur sur Price Charting devrait être la valeur retail, soit 80$, là, me semble, c'est 80$. Et puis, mais ça va être plus, ça va être moins. Puis, tu sais, il n'y aura pas de vente, là. Il va en avoir une ou deux, puis là, ça va commencer. Fait que... Il n'y a pas assez de ventes sur le long terme pour avoir un chiffre à peu près exact. Là, on parle toujours de price charting en passant. Puis nous autres aussi, chez RetroMTL, quand on vend des jeux Switch usagés, mettons. J'entendais du bruit. Quoi? Quoi ce bruit-là? Ah, je pense qu'il pleut dehors et puis c'est la pluie sur le puits de lumière. Donc voilà. Donc, on se fie à price charting, puis on y va à peu près de même. Puis quand un jeu, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, c'est ça? C'est la vie plus, ouais. Quand un jeu, ça fait pas longtemps qu'il est sorti, ben on regarde aussi la valeur retail, tu sais. Puis c'est encore plus compliqué avec les limited runs, où est-ce que des fois, ils sont encore disponibles chez le fournisseur, mais que là, il y en a sur eBay. Mettons, c'est disponible chez le fournisseur à 50$. Il y en a sur eBay des sealed à 100$. Puis là, usagé, ça va être quoi le prix? Fait que c'est pas évident, là, tu sais. Donc, pour être franc, Larry, j'ai pas de réponse. Puis je peux pas. J'ai pas un échantillon assez vaste, là, pour t'expliquer ça. Je sais pas moi non plus, puis ça me gosse vraiment. Moi aussi, j'ai l'impression qu'on. Nous-mêmes, ici, on price les jeux usagés Switch. Ouais. Juste au gré du vent de price chart, et puis ça bouge ou non, mais c'est très rare qu'on repasse dedans. Fait que non, il n'y a pas de science encore. Peut-être que tout ça est trop récent, tu sais. Effectivement. Pas assez de ventes. Salut, Galgator, dans le chat qui vient d'arriver. Yes. David Liscourt. Avez-vous eu, chez RetroMTL, le même problème de revendeur par Messenger que le gars du Game Over? En passant, félicitations pour vos 5 ans d'existence. Oui, je veux... Pourquoi j'ai pas parlé de ça en intro, en fait? Je vais en parler vite fait. Donc, t'as du temps, là, vas-y. J'ai du temps. RetroMTL a eu 5 ans. Alors, bravo. Voilà, c'est fait. En fait, le vrai anniversaire, c'est le 25 mai. Alors, on a fait une promo, 15% de rabais lundi. Et puis, cette semaine, on va cacher. Ben oui, j'ai vu ça sur TikTok, là, ou je sais pas quoi, là. Ben oui. Vous avez un employé qui est allé cacher où est-ce qu'il y a le gros ring aujourd'hui, là? Exact, le ring de Sonic. Donc, c'est Florence, notre employée aux médias sociaux, qui a des belles idées. Puis ouais, fait de bon job, ouais, fait du beau travail. Le là. Monde l'aime bien, pour vrai. Je trouve que c'est un beau visage, tu sais, pour l'entreprise. Et puis, c'est ça, sa présence commence à être... steady, tu sais. Ouais. Fait qu'elle est reconnaissable et puis elle devient un peu le visage. du TikTok de Retro MTL, à tout le moins. Et puis, donc, il y a des cartes qui vont être cachées en ville à chaque jour. Et puis, ça va être à des endroits qui ont un certain lien avec Retro MTL, bien sûr. Là, il y a eu le stade parce que c'est à côté d'ici. Ouais, ouais. Il y a eu l'anneau de Sonic au centre-ville, le gros anneau, parce que ça ressemble à un anneau de Sonic. Ouais, ouais. Alors, voilà. Et puis, suivez les médias sociaux de Retro MTL sur TikTok. C'est la meilleure place. Et puis, on rediffuse aussi en même temps. C'est sur Instagram aussi et aussi sur Facebook. Et puis, partout tout est il y a là. Les shorts, dans le fond, là, les... Exact. Exact. Et puis, les deux cartes ont été trouvées à venir jusqu'à la date. Fait que ça marche. Très cool. Alors, wow. Donc, merci David. Et puis, merci Galgator. Et puis, thumbs up à Florence qui fait un beau travail. Donc, pour revenir à David Liscourt, ce qu'il y a eu, c'est que le Game Over ont fait un live mardi. Et puis, ils mentionnaient que eux, tu sais, des fois, ils se font poser des questions dans leurs posts. Ils font des posts avec des jeux. Puis, une personne dit combien y est ton tel jeu. Puis eux autres, ils disent, mettons, il est 70$. Puis il y a quelqu'un, il y a un revendeur de la Rive-Sud. Encore les sales revendeurs. Les méchants revendeurs qui, après ça, voient ça et va écrire directement à la personne qui posait la question pour lui dire, ben check, moi j'en ai un à 50$. Ah, ouais. À 50$, tu sais. Okay. Fait que lui, il fait ça. Là, il fait... Les dents sont dures, hein? Ça joue du coude. Exact. Fait que lui, c'est un revendeur qui a des choses, puis qui s'en donne qu'il y a quelque chose, puis qui voit que ça pointe vers... Il y aurait une opportunité, ben il fait ça, tu sais. Fait que... Donc, les gens du Game Over disaient que le gars, c'était illégal, puis il avait pas le droit de faire ça. OK. Les commerçants, je crois, puis je me suis pas renseigné officiellement, n'auraient pas le droit de faire ce genre d'affaires-là. Moi, je pourrais pas faire ça au nom de Retro MTL. Non, un individu peut vraiment le faire. Mais peut-être un individu, sous toute réserve. Je sais pas du tout, là, tu sais. Fait que c'est ça. Donc, il m'a communiqué le nom de cette personne, et puis c'est une personne que j'ai vu le nom ici, qui est déjà venue nous vendre des affaires. Et puis, on n'a pas rien vu, nous autres, par rapport à cet individu-là ou de gens qui nous ont rapporté des choses du genre. De notre côté, les prix sont sur Internet. Oui, ouais. Puis les gens, on pousse sans arrêt, Jean-François, jour après jour, pour répondre aux gens, pour leur dire, quand ils nous demandent un prix, on leur met la fiche sur Internet. Les prix sont sur Internet. Ouais, les prix sont... Le téléphone sonne en bas. La première chose que... Quand tu appelles ici, il y a un message enregistré qui embarque puis qui t'envoie aux bonnes places. Puis la première chose qu'on dit, c'est si vous cherchez un prix, allez sur notre site. Appelez-nous pas ou écrivez-nous pas pour des prix, tu sais. Fait que voilà. Fait que nos prix sont publics anyway. Puis au final, on va garder un œil ouvert. Mais non, on n'a pas... J'étais pas au courant de ça avant de l'apprendre par le Game Over. Puis... J'ai pas. C'est ça. On n'a pas rien vécu ça. C'est pas quelque chose qu'on a subi ici, ou du moins, on n'a pas eu vent. Fait que voilà. Yannick April. Et votre ou vos jeux de sport préférés en cette saison estivale qui commence. Bon podcast à tous. Oh boy. Définitivement, NHL 94 pour les deux, je pense. C'est le classique des classiques. Là. Ouais, mais j'ai jamais été un grand joueur, moi, de NHL. Non? Non. Tu faisais-tu le wraparound en arrière? Puis, Ouais, ben, on peut faire ça. Ah mais... non, ça c'est le one-timer dans 94. Dans 93, le wraparound. C'est dans NHL. Ouais, pillé, ça marchait tout le temps, là. Ouais. Mais j'ai jamais possédé de jeu de NHL. Ah non, OK. Non, c'était mes amis qui avaient ça. Je jouais un peu chez eux quand on y allait, mais moi, tout seul chez nous, je jouais à NHL. Je pense que j'aimais pas assez le hockey, bien que je jouais au hockey. Mais non, j'ai pas... Moi, ça roulait sans arrêt. Les achetais-tu à chaque année? Non, 94 a roulé très longtemps. Là. Une couple d'années facile. Là. OK. Mais les jeux de sport... Ben, les jeux de lutte, si on peut considérer ça un sport... C'est un sport en tant que tel. C'est un sport, mais c'est-tu considéré comme un jeu? Tu sais, comme je pense... Comme les gens veulent-tu sport, dire ouais. Madden, c'est absolument, c'est du combat, là, mais ouais. Ouais. No mercy, là. Sinon, là, au sein des cartes, là, on le sait, là, mais... Ken Griffey Jr. au Super NES pour le baseball. Ouais, très il était bon. Le Baseball Stars au NES, c'en est un que j'ai joué quand même. Moi, Ice Hockey au NES aussi. J'aime pas Blades of Steel. Man, sport, pour vrai, là. J'ai pas joué beaucoup de Madden. Les là. Jeux de golf, ça, ça compte. Puis toute la série de PGA de 97 à maintenant, là. Ah ouais, t'as tout fait ça? Non, j'ai pas tout fait, mais j'ai le 2022 le plus proche que j'ai, là, je pense. OK. Mais j'ai joué beaucoup au golf, oui, là, dans toutes les évolutions du golf qu'il y a eu. Là, ouais. De très les graphismes à très réalisme maintenant. Là. Ouais, c'est ça, exact. Ben, moi, c'est-tu des. Ben, vrais... Golden Tee, là, sur l'arcade, qui est un classique, là. Ben, si on compte les jeux de golf comme Golf Story ou ben. Ah, ouais, ouais. Super Stickman Golf, c'est plus des jeux d'arcade. On dit World ça. Series Baseball. Ça, j'ai jamais joué. Ah, il a pu l'avoir en salle. Ah, ouais, il pleut, là. Il a tellement fait chaud. Ouais, j'espère que t'as pas oublié tes fenêtres. Non, mes fenêtres sont pas ouvertes, il y a de l'air climatisé. Excellent. Pour vrai, man, je sais pas. J'aime pas les jeux de sport, en fait. Je trouve ça trop compliqué, bien Steep, sûr. Steep, j'ai beaucoup aimé. Puis l'autre d'après, Republic... comment ça s'appelle? Ah, j'ai un blanc. Mais les jeux d'Ubisoft là, qui ont sorti de snowboard dans la montagne, tu peux faire du wingsuit, puis... c'est assez récent, là. L'autre, c'est Republic quelque chose. J'ai un gros là, blanc, ouais. Là. Les jeux de boxe, là, Fight Night, qui était très bon. La série des Fight Night, j'avais beaucoup aimé. Ouais, ouais, ça demeure un bon vendeur, ça, ici, en effet. Je compterais pas les jeux comme Mike Tyson, Punch-Out, tout ça. Je considère pas que c'est ça la question. Là. Ça, c'est un jeu d'arcade, Track à mon and avis, Field. Là. Ouais, c'est ça. Ouais, j'ai pas de jeu de sport plus que ça. Ben, je l'ai dit tout le temps, Wing Risky 3D Hockey au Sonic 4. Ah oui, oui, oui. Dans mes classiques. Faudrait bien jouer à ça. Le goaler se transforme en mur de briques des fois. C'est ça, hot. C'est nice. C'est quand même cool, là. Sinon, Marc Blouin, si c'était... tout à refaire. L'aventure du game collecting, ça serait pareil ou avec des twists différents? Ah, oh, moi, j'ai pas de... Je trouve que j'ai bien fait ça. Ouais, t'as bien roulé quand ça le temps, là. J'ai... j'aurais pull the trigger. Mais j'ai rien raté que je regrette. Il y a des affaires que j'ai vendues que j'ai regrettées un peu. Mes jeux Atari 7800. Des fois, je repense à mes jeux Sega Saturn, mes shmups Saturn japonais qui étaient tellement hot. Ouais, mais ouais. Ça vaut tellement cher, tu sais. Puis de toute façon, j'ai un module Terra Onion dans ma Saturn maintenant. J'ai tous les jeux existants. Okay, okay. Fait que j'ai comme coupé ça pour me reprendre un peu d'argent. Mais non, j'ai tout acheté ce que j'avais de besoin. J'ai acheté quand c'était le moment. Puis ça a changé. Il n'y a comme plus beaucoup de game chasing qui se fait de vraiment d'aller dans des places physiques. Là. C'est moins qu'avant. Tout le monde a acheté le stock. Là. Tout le monde est... Exact. T'sais, ben, c'était le fun aussi à l'époque parce que tous les chummies, tout le monde faisait le set de NES même temps. Puis tout le monde avait ci, avait ça. Mais là, les amis, ils collectionnent peu ou plus. T'sais. Fait que ou ils ont fini leur set. Exact. Ou ils ont fini puis ils l'ont revendu. Fait que ça, je trouve ça toujours triste. Et puis, j'ai pas de... Tu sais, avant, on pouvait jaser de collection toute la soirée en buvant de la bière. Ouais, ouais. À cette heure, non. T'sais. Ouais. Fait que ça me manque un peu. Puis, je trouve ça dommage. Mais moi, je me fixe de nouveaux objectifs. Là, comme là, j'ai un objectif de Nintendo Power de ramasser de 1 à 80. C'est hot. Ça. Et puis, il m'en manque déjà très peu. Là. Je vais en parler sur le show un moment donné. Je vais amener ça. Mais ça, c'est un nouvel objectif. Venez mon Super NES. Mais, mettre ça dans la bibliothèque. Là, dans notre... Oui, je préfère faire une bibliothèque. Ça serait malade. Fait que non, je regrette rien. Et puis, des fois, je me demande si ce que je vais faire avec tout ça, là, tu sais. Mais je suis pas rendu à la croisée des chemins personnellement. T'es pas tanné de les voir dans ça. Regarde le full set. Je suis écœuré de voir ça. Non, je me dis pas, bon, je vais prendre ce cash-là, je vais faire autre chose. Je sais pas ce que je ferais. Une autre collection. Oh non. Une autre business. Si je pourrais pas. J'ai pas la force d'en runner une troisième. Là. Ben, il faudrait que les deux soient parfaitement autonomes sans que je sois présent. Ouais, c'est ça l'affaire qu'on fait pas. Là, ou quand tu fais pas, c'est que tu sors de ta business une fois qu'elle roule. Puis que toi, t'es tout le temps dans business. Fait, exact. Tu peux pas t'en partir un autre. Tu vas mourir. Là, ben, je serais trop MTL en tout cas. Là, ouais, ouais. Pour pouvoir en faire un autre, il faudrait qu'elle roule tout seul. Ça, ouais, ouais. Et que moi, je suis salarié ici. T'sais. Mais il faudrait que je sois à l'extérieur de la business, puis qu'elle roule tout seul, puis qu'elle soit capable de générer des dividendes, qu'on se verse des avances, puis que je reçoive cet argent-là à rien faire pendant que je fais autre chose. Mais quand là, moi, je suis un employé ici, puis je suis payé pour travailler quand ici. Quand tu as rendu là, on partira notre boulangerie de bacon. Boulangerie et bacon. Ah oui, on va... Ça, ou bien le pain, ou bien le bacon. On va utiliser le pain pour imbiber le gras, là. Fait que... Il y a Jim qui veut collectionner les cartes, trucs et astuces Nintendo NES. Ah, c'est une bonne idée, ça. Ouais. Moi, le papier, je le commence un peu aussi, là, un petit peu plus. Là, j'ai... Mes flash puissance, t'sais, tout ça. Je vais pas virer fou dans le papier, là, mais j'aime avoir une petite section papier dans cool, ma collection. Ça. Fait que. Pas de la rétro-drive. La rétro-drive. Hey, la Molson Dry, ça faisait-tu roter, ça? Ça fait longtemps que j'ai... Ben, il y a des annonces de Molson X à TV. Il y a des annonces de Molson présentement à TV. Mais de la Molson Dry, ça existe encore? Oui, je pense que oui. La X, la Dry, puis il y en a une autre, là, avec un nom. Ça fait longtemps que je vois plus ça. Ouais. Ça a un nouveau nom. Mais ça goûte toute la même crise d'affaires, là, on s'entend. Faut qu'il nous ramène la Molson Kick, puis on est correct. Là, ouais, ça serait un bon boss, coup de caféine d'un gosse. Nick Lachapelle, le gars de la balle molle. Quels jeux sont excellents en arcade mais médiocres sur console? Narc. Je m'arrêterais de dire Narc. Je pensais au top à Bruno dans le temps. Comme, qu'est-ce qu'il avait dit déjà, Narc? Toutes ces ports d'arcade moffés là, il y en a. Il y avait un top dans les archives de Rétro Nouveau des 5 pires ports d'arcade dans la console, justement, que vous aviez fait dans les débuts là, chez vous. Décor brun. Là, c'est ça. Ah, Narc, moi, définitivement. Narc, je pense que c'est le numéro 1, c'était le pire. Quand j'ai loué ça, man, ça m'a jeté à terre. Là. C'était déprimé. Là. Il aurait fallu que ça soit un jeu de Super NES. Ça aurait été mieux. Mais, des bonnes questions. Parce qu'il y a eu des bons ports, là. Atari, NES, c'était pas mal du 1 pour 1. Tu sais, Donkey Kong, c'est plate qu'il n'y avait pas tous les niveaux. Quand la NES aurait été capable de générer ça, là. On se le cachera pas, là. Fait qu'il n'y avait pas ça, je repense à Amen. C'est une question très pointue. C'est difficile, ça, Nick. C'est trop difficile. On ne sait pas. Il faudrait faire des recherches pour ça. Ouais, c'est ça. Passe à la prochaine. Ouais. Jean-Michel Racine. Quel est le jeu le plus fun à jouer chaud ben raide? Aïe, aïe. Ben, c'est dur de jouer quand on est chaud, ben raide. Trop chaud, c'est trop dur. Trop chaud, là, tu peux pas jouer à rien, vraiment. À moins de jouer à genre Jackbox, mettons, là, que tu fais juste écrire des niaiseries. Là. C'est ce que j'allais dire. Ça, c'est les meilleurs jeux. Là. C'est les genres de jeux niaiseux. Mais sinon, tu sais, en chemin ou chaud d'ail, chaud l'ail, oui. dans cette lignée-là. Ben, tous les jeux de puzzle simple ou les jeux à la Lunar Pool, ces affaires-là, c'est le fun parce que c'est pas compliqué. Pis oui. Tu peux pas trop manquer ton coup. Là. Ce qui demande pas de dextérité, genre les chemins, pour oublier ça quand t'es sous, tu vois des couleurs. Puis le platforming, quand t'as trop tête, ça marche pas. Mais oui, les genres de jeux de party. Warlord, c'est ça? Ouais, Warlord sur Atari. Ça, c'est le fun. Ça, c'est malade. Ça, c'est cool. Chaud ou pas chaud, ça fonctionne très bien. Bon, ouais. Il y a des jeux coopératifs aussi de party, tu sais, comme des je sais pas, mais des top-down twin stick shooter là, show à jouer à Smash TV là. L'affaire Overcooked là. Overcooked parce que tu fais juste te crier après là. C'est... Ouais, mais là quand le monde sont trop chauds pour être à l'ordre dans la cuisine, là, moi ça me gosse. Je veux que ça aille bien. Non. Mais je me mets pas chaud au raid non plus. Hein, non, mais tu sais, mettons, si on passe au WEG, on n'est jamais vraiment sous raid. Puis quand on est rendu à ce niveau-là, c'est fin de soirée, puis on game plus à rendu là. Ah, man. On se finit sur des starts à 10%. Là, pis exact, exact. Moi, le dernier, ma soirée la plus scrap, c'était vendredi. Puis là, à un moment donné, Dej, il a sorti Blackbird, qui est un shmup qu'on a joué sur Switch, mais qui est un shmup basé sur Fantasy Zone. J'en ai déjà parlé de ce jeu-là. Je pense que je l'ai déjà couvert. Je l'ai déjà fait à Rétro Nouveau, d'ailleurs. Puis là, comment lui venait de découvrir ça. Hey, man, on essaye ça. Hey, là, je fixais l'écran. Là, j'avais fumé un peu de weed aussi. J'étais sec, la face sec, les yeux secs. Les yeux rouges sec, la face sec. Je voulais décéder. J'étais pas capable, pas tout, de jouer ça. Wow. Fait que non, il n'y a pas grand-chose de bon chaud, malheureusement. J'en avais un autre, puis j'ai le perdre. Ben, des choses qui arrivent. Garde-la en tête, essaye de le retrouver. Ouais. Pendant ce temps-là, on va lire Michael Rouge. Si le brain upload de The Matrix existait dans la vraie vie, quels skills vous uploaderez? Hein? Voilà. Je commençais par le pack de langage, moi, puis d'avoir toutes les langues. Là. Genre, pour parler toutes les langues au complet. Donne-moi le pack de langues, genre de tout ce que tu peux. Là. T'as raison, ça c'est un très beau pack. Tu sais, comme là, on écoute la matrice, on se dit « Ah yeah, man, le kung fu, esti, pis tout. » C'est pas utile dans la vie. Mais qu'est-ce que tu veux que je calisse avec le kung fu? Dans la rue, yeah. Exact, ça servira à rien. À part aller faire des compétitions pis de gagner des concours de kung fu, là, mais tu sais, rendu j'aime là. J'aime pas assez le kung fu pour ça. Non, mais des skills utiles, là, dans la carrière, là. Ben, tu sais, moi, tout ce qui est construction, travaux manuels, genre. Ah, ouais, ouais, ouais. Toutes les jobs de jobber, là, justement, qu'il faut que j'appelle des gars à 400$ le call, là. Ouais, tout ça dans moi, là. Ah, absolument. Je vais venir avec une ceinture d'outils, là, direct, là. Oui. La comptabilité. Ouais, c'est très utile. J'en ai fait, j'ai haï ça. Ça, j'aimerais savoir ça. Des skills de... tu sais, moi, j'ai de la misère à me concentrer puis à lire de la documentation, tu sais, puis à en tirer des apprentissages. Tu sais, étudier, moi, à l'école, je ne l'ai pas tant fait parce que j'étais en graphisme puis en design. J'avais quand même des cours qu'il fallait que je le fasse, tu sais. Puis j'ai beaucoup, beaucoup de difficultés. Fait que je devrais avoir le skill d'être capable de lire une brique, genre. Ouais, j'étais bon dans le temps, passer au travers. J'ai tout perdu ça, mon skill d'apprentissage. Je lis, je suis comme... Word perfect au complet. Ah ouais, Word perfect pour les nuls. Non, mais il existait des Lotus, tu sais, puis tout. Tu sais, ces gros livres de langage, là. Je vais chez ma sœur, puis mon beau-frère, qui est un génie informatique. Il y a tous ces vieux livres-là encore dans sa bibliothèque. J'en avais, à un moment donné, j'avais transformé. Lui, il lisait ça, c'ti. Tu sais, on avait ça à l'école. Programmation C, C++, une affaire, c'était pas de même. Là. Oui! Hey, je t'ai collé, c'est ça, au vidange, l'autre fois. Là, c'est... Hey, le monde, il lisait ça. T'avais pas Stack Overflow puis les sites Google pour lire dans le temps. Fallait que tu l'apprennes à bras, ta programmation. Là. Ben, totalement, man. Pis c'est tous les détails techniques de toutes les méthodes, de tout ce que tu peux faire, les exceptions. C'est long, là. Ben, tu peux pas lire ça de même. C'est une bible de référence, un peu. T'sais. Tu peux lire les principes, mais à un moment donné, là, si t'es rendu à lire chaque méthode, c'est comme, OK, là... d'autres choses. Ah non, c'est ça. Mais moi, j'admire ça, les gens qui peuvent juste lire. Martine, ici, t'as la job, elle lit. Mettons, on reçoit le document d'assurance. On est assuré, ça. Alors, elle lit au complet. Tout. Les small characters, tout. Là, je suis comme, tabarnak, man, c'est wow. Le bail, tu sais, il est super compliqué, là. Bon, j'ai lu le bail, et puis telle affaire, faudra checker ça tel jour. Je suis comme, man. C'est assez incroyable. Moi, ça me subjugue. Elle est capable de lire tout ça, là, comme si de rien n'était. Moi, c'est comme si je lisais les barbes à papa. Là, ça va. Moi, je passe à travers les barbes à papa. Toi, comme tu lis elle passe les monsieur, madame, là, les petits livres blancs. Exactement. elle lit les documents compliqués comme je lirais un monsieur, madame. Mon père m'impressionne pour la lecture aussi. Là. Mon père lit des briques, genre des romans, ça d'épais, mais trois en même temps différents. Là. Ah ouais, ouais, ouais. Puis il finit ça en une fin de semaine. Je suis comme, OK, là. Ah ben, des romans, des biographies, ce genre d'affaires-là, ça, je suis quand même capable. Les livres des éditions de l'homme, bien ouais, sûr. Ouais, ben oui, bien sûr. Ah, et là, des éditions de l'homme, envoyez-nous pas des livres informatiques pour niaiser, là. Parce que c'est, ben, ou si vous en avez acheté, là, mais à mettre aux poubelles parce que vous en vendez pas, envoyez-les, on va les mettre dans la bibliothèque. Formation d'informatique, King Nadera qui dit qu'il fallait coder du PHP à mi-temps. Ben, j'en ai fait moi aussi du PHP à mi-temps. C'est pour ça que les premiers sites étaient faits en PHP, d'ailleurs, de tout ce que j'ai fait. Retro Nouveau, Magento, tout ça, c'était du PHP, là. Puis ça, c'est en PHP. Ça? Non, c'est un dans les premiers langages web côté serveur là, qui était populaire, qui ne l'est plus du tout maintenant. Là. Hmm. Mais ouais, c'était de la job. Là. Qu'est-ce qui existe là encore comme langage web? C'est surtout JavaScript en ce moment, là, je te dirais. Ah ouais, la grosse affaire, là, parce que puis ça dépend en arrière après ça, qu'est-ce que t'as, là, mais ça dépend. Moi, je travaille juste dans Salesforce, fait que je suis plus tellement genre sur ce qui est web, là, puis ce qui est web, je le fais en JavaScript. Ouais. Parce que là, j'en ai fait aussi. T'as dit l'assembleur PC 16 bits sur papier dans un examen. Ouais, Michael, il connaît ça aussi. Ouais, c'est clair que Michael. Du code écrit à bras dans un examen, genre sur une feuille avec ton crayon, là, genre, c'est de la job ça avec. Là. Hey, man. C'est pas évident, là. C'est très abstrait. Là. HTML5, ouais, ben, c'est ça. HTML5, ça existe encore, ça, là? Ben oui, ben ça, c'est la base. C'est le format web d'affichage d'une page okay, web. OK. HTML, CSS, puis JavaScript. Puis là, si tu faut que t'ailles. C++, ça, non? Ça, C++, c'est pour des logiciels, en fait. C'est des applicatifs. OK. Moi, je connais rien à ça, mais j'aime ça en entendre parler. Tu pourrais avoir de quoi JavaScript qui appelle de quoi en back-end, qui appelle du C++, peut-être, là, ça se ferait, là, mettons, mais c'est rendu. T'as besoin d'avoir beaucoup de processing pour faire ça. Là. C'est pas beaucoup de jobs qui demandent de faire ça dans ce qu'on fait en ce moment. Là. Ouais. Moi, oui, à mon travail pour vrai, là, mettons, peut-être, là, mais pas pour faire un site web de rétro nouveau ou un magasin en ligne. Là. Les jeux sont faits en C++ ou en C sharp, ouais, effectivement. Le C avec... Ça, c'est quoi, ça? C sharp. Sharp? Sharp, c'est le petit dièse. Ça s'appelle un sharp, ça. Ouais, c'est je savais même c'est pas dièse. En anglais. C'est dièse. Python, populaire pour l'apprentissage du AI. Python, qui est un langage, je sais, qui est bien utilisé pour le back-end du web, souvent, que je vous ai appris, là. T'en as plein. T'as Ruby on Rails, toutes sortes d'affaires, là. Galgator qui a commenté précédemment, qui dit que le fait qu'on est toujours dérangé par les notifications partout fait qu'on a beaucoup plus de difficultés, selon moi, à se concentrer. Et ça, c'est vrai, et c'est de la concentration fragmentée. Oui. Il me semble, le terme officiel, ma blonde m'a parlé de ça, et puis je suis comme, oui, moi, je suis que fragmenté continuellement. Des fois, il faut que je fasse comme, hey, là, mon téléphone, je le mets à côté, exact. Loin, ou genre... tu sais, j'ai acheté le petit timer que tu vois sur Facebook, que tu tournes, là, puis c'est genre 25 minutes, tu pèses, puis là, des fois, je suis obligé de le faire pour faire comme... Là, genre, fuck you, là, 25 minutes, je me concentre juste sur mes affaires, là. Oui. Puis là, je clenche tout ce que j'ai à faire. Ah ouais, ouais. C'est débile. Il y a Kevin qui demande s'il t'arrête de regarder un revival de la boucle infinie puis qu'il le savait pas. Ça ressemble à ça. Il y a de la pertinence peut-être à le ramener. Vous viendrez. Dans le studio ici. Là. Puis, non, c'est ça, en effet. Puis moi, là, c'est faux. OK, je suis pas capable de... Là, j'ai une tâche, elle me tente moyen. Mettons, je fais les bannières Google présentement pour être MTL. J'ai 3 sets de bannières pour Google. En français et en anglais, fait que ça fait un total de 60 bannières à faire, là, tu sais. Puis moi, j'en ai fait un studio de bannières web dans ma vie, là. Surtout à mon ancien client qui m'en faisait faire, là. Ouf! Fait que là, ça me tente pas, mais, tu sais, faut que ça se fasse. Puis, tu sais, quand ça te tente moins, puis là, t'es, ah, oh, man, tu reçois des messages, puis c'est fou, là. Faut vraiment tout fermer, virer le téléphone à l'envers. Ah, même, je le mets ailleurs, je le mets dans ma chambre, whatever. Ah, ouais, ah, ouais, vraiment. Au pire, je me garderai 5 minutes pour aller voir mes messages à chaque heure, whatever. C'est épais qu'on soit rendu à ce point-là, je trouve. Là. Ah oui. Mais ouais, avoue, tu sais, que sur une journée de 7 heures, on est constamment. On est fréquemment. Penses-tu que tu travailles 5 heures, 5 grosses heures sur 7? Impossible, là, tu sais. C'est tout le temps en train de checker. Si mon téléphone était en panne, mettons, je suis sûr que ça serait bien plus productif, c'est sûr. Là. C'est sûr et certain. Là. Absolument, absolument. Mais c'est de fragmenter la job un peu puis se mettre des timers, faire comme OK, ben là, mon prochaine demi-heure, c'est ça que je fais, puis je sais qu'il y a personne qui va m'appeler, whatever. Là, fait ouais. C'est beau, je m'occupe de ça. Là. Mais moi, je marche à la pression souvent aussi, ces tâches-là que ça me tente pas. Je les repousse, puis là, je suis asti. C'est pour demain. Puis là, je travaille comme un fou, là, puis m'a tout batté ça à une heure, là, puis ça va être parfait. Ouais, hein. Là, tu vois, moi, c'est l'inverse. Quand j'ai des travaux de longue haleine, mettons, à l'école, tu sais, ou des affaires de même, je les commence immédiatement. Ouais, ouais. Je pourrais commencer dans 2 semaines, puis ça ferait pas de problème. J'ai un mois et demi pour les faire. Moi, je commence tout de suite, puis j'en fais à petit feu tout le temps. Rien que pour pas justement arriver à la fin, puis arriver devant une montagne. J'en fais un petit peu moi aussi, mais j'arrive tout le temps à la fin avec un jour. Mais moi aussi, rush, je me fais. J'ai un crunch à la fin, là, mais j'aime vivre dans ma tête, il y en a de fait. Puis, ouais. Tu comprends, c'est nourri un peu. Ça moi aussi, là, c'est t'sais. Jamais comme complètement arrêté ou je le fais pas, mais souvent, je suis comme, ah, faudrait que je pousse un peu plus, puis ça serait pas long, puis je repousse, puis le deadline est là, je suis alright, moi y aller, là, puis je l'enclenche, là. Ah ben, ce que je fais aussi, des fois, c'est dans ma tâche que j'aime plus ou moins, whatever, tu sais. Là, quand, mettons pour les bannières, justement, quand il me reste juste à les mettre en français ou en anglais, ça c'est facile. T'sais. Fait qu'à la fin de la journée, ma tête est dead, mais je me garde ça, le facile pour le batteur en fin de journée. Fait que ça m'en fait moins le lendemain, puis je suis capable de le faire brain dead, ça, tu comprends? Fait que je sais quand je suis brain dead, tout de suite après manger, puis dans le milieu de l'après-midi, genre. Fait que c'est là que je fais mes affaires faciles, poche. Ouais. Je sais pas, des fois, je suis pas là comme du tout à la job, puis je te reclenche ça le soir comme un fou, là. Ouais. Tout est là le soir, je sais pas qu'est-ce qui se passe. C'est ça. Parce que je sais que j'aurais pas 15 000 messages à la job, des notifications de partout, puis que je me fais pas déranger, peut-être, là. C'est peut-être ça aussi, là. Puis des fois, je me force à la job à fermer Teams, Slack, toutes mes affaires. Je ferme toutes les communications pour un petit bout, là. Ça arrive, là. Ah oui. Hop, on a fini la musique. On va revenir. On repart la musique. Bon, ben. Mon bloc de 30 minutes, t'es pas assez long pour les questions. Fait que c'était 25 minutes de réponse sur la Matrix pour faire un spécial concentration et programmation et travail. Patrick Beauséjour, votre appréciation de Turbo Kid sur Switch? On l'a pas joué. Moi, j'ai joué aux démos, là. Ah, t'as joué aux démos, Megamix, l'année. Même pas l'année passée, l'autre année d'avant, je pense. Puis, j'ai beaucoup aimé, pour vrai, le démo. Et puis, Giz, anyway, le démo est déjà. Tu sais, comme ça a été beaucoup plus poussé depuis que moi, j'y ai joué. Mais moi, quand j'y ai joué, je trouvais ça très bien. J'avais hâte. Fait que Metroidvania de BMX, Gory. Ah, ouais, c'est hot, là. Fait que ça va être très bon. Fait que les gars ont poussé le jeu. Le jeu est disponible, en fait, pas sur Switch, seulement sur Steam. Ah, ouais, OK, j'ai pas joué. Ah, d'ailleurs, pas. JF, tu pourrais couvrir ça, toi, ce jeu-là? Ben oui. Si ça tente de faire un Metroidvania. Tout à fait. Ça, je vais demander à Giz. Et puis, il devrait pouvoir nous envoyer un code, là, vite fait, bien fait. Et puis, quoi que j'aimerais le faire aussi sur Switch, on pourrait le faire les deux, tu sais, en parler, les deux, gros spécial. D'ailleurs, un jeu de sport, Man of Men BMX sur PS2. Je vais me faire Si on compte les Tony Hawk Pro Skater et tout ça, ouais, mais je pourrais sport, t'en mettre pas mal, là, mais. Disons. BMX, il n'y en a pas tant. Non, ça manque de BMX, en effet. BMX sur Atari, c'était très bon. Air BMX, je me rappelle plus. En tout cas, minigame de BMX dans California Games. Ouais, ouais. Il y a de quoi à faire avec ça. Fait que c'est tout ce qu'on a joué. Oui, ils sont là. Le jeu n'est pas disponible, Patrick. Alors, C'est pas plus compliqué que ça. Ben, sur Switch, parce qu'il demande sur Switch. Là, Patrick, là, ici, là. Colin, je regarde ça, je pense que je le connais. Je pense que c'est le père de des enfants qui allaient à la garderie avec mon fils. Ça se peut-tu, ça? Je vais checker ça tantôt. Hier, j'ai eu une première de moment parental. Mon gars commence à être plus grand, 4 ans et demi presque. Là. Fait que là, tu sais, il y a des souliers qui courent vite, puis il aime ça. Puis là, il était dans le fond de la cour de la garderie, puis il m'a vu, puis il s'est mis à courir. Puis il a planté en pleine face sur l'asphalte, là. Oh. Mais tu sais, genre comme... Genre les genoux, frotte, là. Oh. Les lèvres à terre, les mains. J'étais juste dans le fond, j'ai fait... Oh boy, OK. Il y avait plein de sang. Ben, il y avait le genou plein de sang. L'autre greffier, il me dit que ses mains chauffaient, puis il était coupé de la lèvre. Et il a pris deux Mr. Freeze, c'était content chez nous. Là, mais c'est moi, c'est le même que j'ai guéri quand j'ai jeté toutes mes blessures. Ah ouais, Mr. Freeze, ça lève. Là. Mais je, quand même, il était correct, il a fait ça comme un pro, pas trop pleurer. Tu l'as-tu désinfecté l'alcool à friction? Ben, on l'a arrangé à la garderie parce que son genou saignait. Là. Fait que, oui, ils ont mis un peu d'alcool à friction. Puis ils ont mis de l'alcool à friction. Avec un petit tampon, là, je dis, oh, vas-y, là, parce qu'il faut pas que ça infecte. Là. C'est clair. Mais il n'y a pas trop de. Polysporin pour pas qu'il y ait des cicatrices à vie. Exa. Vitamine E aussi, d'adapter en crème. Là. Ah ouais? Même chose que pas mal du polysporin aussi. Je savais pas ça. Mais ouais, donc ça, c'était intéressant. Puis là, il a commencé à faire du bicycle. Fait que là, il y avait les tibias pleins de bleu, là, à cause qu'ils sont bicycles, ils tombent. Là, il y a les genoux pleins de sang, les tibias pleins de bleu, là, les batteurs d'enfants. Là. Ah, écoute, c'est ça, man. C'est apprendre le métier qui rentre, là. C'est ça. Fils de lutteur. Oh, tu finis pas d'avoir des bleus, le gars. Il a pas peur. Ben, mais ça, non. C'est très bien, ça. Jean-Martin Rousson. Comment vas-tu combler le vide du collectionnage quand tu auras complété le Griforce? Le Griforce. Ben, comme je disais tantôt, le Griforce, c'est NES, Super NES et Game Boy. En ce qui me concerne. Pour d'autres, il y aurait peut-être le 64 qui remplacerait quelque chose là-dedans. Sûrement le NES parce que c'est le plus vieux. Mais bref, pour moi, le Griforce, c'est ça. Et puis, c'est Mega Exhort dans le chat, Kevin, Kevin Boilly qui m'a forcé à faire un set Super NES pour juste compléter. Juste parce que le terme d'Alphone. Exactement. Fait qu'un coup que j'ai le Griforce, j'ai pas d'autres objectifs là, à part de continuer de peaufiner ma collection Switch avec tous les bons jeux. Et puis la nouvelle Switch va être annoncée l'année prochaine. Forcé. Forcé, certain. Et puis, donc, ça va continuer avec le temps, ça, la Switch. Moi, j'ai l'impression. Puis, je vais continuer ça. J'aime beaucoup ça. Et puis un peu de papier, améliorer. Quand tu auras fini le Griforce, ça va te prendre un Triforce que genre qui allume avec tout ton set, tes full set en arrière, là, genre en néon, quelque chose. Là. Ah ouais, j'ai envie de sortir les pinballs et les arcades d'ici de chez Retro MTL puis juste faire fabriquer des armoires vitrées. Juste pour montrer un voici un full set. Étaler les trois full sets là-dedans, Stadium Events. T'sais. Tu préfères ça, puis là tu fais genre une fiche technique en dessous, comme la Nintendo était active de telle année, ils ont comme un stand musée. De jeu, ouais, quand même un musée de jeu un peu. Là. Exact. Mais dans le local, ça serait cool. Ça serait vraiment très cool, j'ai vraiment envie de faire ça là, soudainement. En tout cas, c'est à voir. Fait que, ouais, ce vide... mais pour vrai, c'est pas un vide... tu sais, moi, je baigne dans les jeux tout le temps et puis je regarde tout le temps pour des petites choses et puis j'aime les nouveautés. Ouais, ouais. Pas les nouveautés... Il y a un nouvel Assassin's Creed. Pas ça, là, tu sais, mais les nouveautés Switch qui arrivent physiques, tout ça. Tu sais, le physique, je continue ça all the way. Fait que je me nourris... Moi, c'est ça. Moi, c'est ça que je me nourris. Mais le besoin de collectionner puis de remplir... des tablettes ou de, tu sais, comme ça achève, puis je suis correct avec ça. Ouais, c'est pas... C'est-tu le matériel qui te nourrit ou c'est le fait d'avoir des jeux physiques, tu sais? C'est un peu entremêlé aussi, là. Il y a, on dirait qu'un va pas sans l'autre, mais... Ben, j'aime la collection, tu sais, ou genre, si je vais un Aero Fighter en boîte, je vais aimer ça l'avoir en boîte, tu sais. J'ai pas les moyens, mais ça, je vais tout le temps aimer compléter ces affaires-là. Mais les temps sont durs présentement, tout est cher, j'ai pas d'argent. Fait que j'ai travaillé beaucoup sur moi-même pour ralentir mes ardeurs. Parce qu'avant, j'achetais tout ce que je voulais tout le temps. Puis là, je peux pas. Alors, j'ai pas le choix. Fait que, puis je trouve ça sain aussi d'avoir slacké ça un peu, parce que j'ai mis beaucoup d'argent là-dedans dans ma vie. Fait que non, je suis plus balancé que je l'étais. Et puis, je fais attention maintenant à mes finances. Fait que je suis serein et sain avec ça, bon. Je dirais. Maxime Goulet-Asselin. Meilleur jeu à jouer... jouer sous? Meilleur jeu à jour en camping devant le feu. À jouer vraiment en camping devant le feu? À jouer, sûrement. Ouais, man, jouer dehors, c'est dur, là. On voit jamais rien. Ouais, devant le feu. C'est le soir, c'est devant le feu, mais tu vois, c'est à Switch, tu vas voir. Là. C'est en fin de soirée. Ouais, mettons, c'est là. Ça. Ouais, on va voir. Ben, avec l'analogue Pocket aussi, ouais, moi j'utiliserais ça vu son écran puissant. Tu peux jouer à tout. Si j'étais à un feu de camp, je vais boire de la bière puis il m'a jasé plus que gamer. Si t'es en camping, ta famille puis tout le monde dort, joue à. C'est quoi le jeu? Un jeu épeurant? Non, mais un jeu vidéo que dans une forêt, il faut te survivre à chaque jour là, jusqu'à temps que la nuit arrive. Là, mais je me rappelle plus. J'ai Alone in the Dark, mais c'est pas ça du tout. Là, quelqu'un dans le chat nous le dira peut-être, là, mais c'est un vieux jeu. Là. Ah ouais, voilà. Fait que. Les jeux qui se passent en forêt. Jouer à Blair Witch là, pendant que t'es dans le bois. Puis... c'est ça. Friday the 13th. Sur Don't NES. Starve, merci Michael, c'est ça que je voulais dire. Ouais, Don't exactement. Starve, ah voilà. Ouais, des jeux de forêt, ouais, en effet, là. Attends un peu. Mes bons jeux de forêt, là. Amène ton PC, joue à Call of the Wild, le jeu de Hunter, là, je sais pas quoi, là, que tu chasses, là. Ah, ouais. Toutes les Cabela's. Big Buck. Big Buck, Jim dans le chat, penses-tu que dans mes vieux jours, mes full sets pour aller dans un musée, c'est ce que je check un peu présentement. On a avec déjà parlé, je pense. De musée que j'ai, et puis que je sais pas si ça va se concrétiser. Bien sûr, on est loin de là. Peut-être là, s'il me donne si je peux obtenir un retour d'impôt en échange quelque chose au prix que ça vaut, tu sais, je vais pas juste les donner là. Je suis pas assez riche pour ça. Fait que à suivre. Simon Moreau, quel est l'un des jeux que tu préfères qui est considéré dans les pires jeux et l'un que t'aimes pas? Hey, c'est dur ça pour vrai, ces questions-là. Qui est l'un des jeux populaires? Un que t'aimes pas. Attends un peu. Un que t'aimes pas, mais qui est l'un des jeux populaires? Un jeu populaire que t'aimes pas, puis un jeu que t'aimes qui est pas populaire. Ouais, c'est ça. Qui a pas été aimé. McKids, pour moi, est demeure le classique impopulaire que j'aime beaucoup. Ah, c'est impopulaire, hein? Oui, ben à part moi qui le rend populaire à force d'en parler continuellement, mais le Angry Video Game Nerd avait pas aimé ça, puis tout le monde lève le nez là-dessus, alors que moi je trouve que c'est un excellent platformer. Castlevania 2 au NES, trouve très bon ce jeu-là. Il y a ses failles, bien sûr, là, mais j'aime beaucoup ce jeu-là. Robocop au NES, qui est correct, tu sais. C'est pas super bon, là, mais c'est convenable. Moi, j'ai aimé ce jeu-là. C'est plus ici, genre, que ça n'a pas été aimé, mais Mario Sonic 4, moi, j'ai aimé ça. Ah, ben ouais, on peut dire que le monde entier a aimé ça. Là. C'est ça, mais c'est plus à l'interne de, genre, nous autres et tout nouveau. Ouais, on a souvent bâché. Moi, j'ai pas trouvé ça si mauvais. Là. J'ai eu beaucoup de plaisir avec Mario Sonic 4, honnêtement. Là. Ouais, en effet. T'as pu. Qu'est-ce qui est populaire et que j'haïs? Il y avait des affaires que j'haïs. Ah, man, attends. Ben, Diablo 4, on dit dans le chat que King Nadera adore, mais que la critique semble négative. Je sais pas si c'est si négatif. C'est-tu venu des patchs après? Moi, j'ai aimé ça, Diablo 4, tu sais. C'est un bon Diablo, là. Ouais. Ah, voyons, j'en ai un sur le bord de la tête, là. C'est quoi, là? Oh, my God. Sinon, des jeux qui ont été populaires qu'on n'a pas aimé. Oli Oli 2, Welcome to Hollywood. Oli Oli, j'ai pas aimé ça. C'est nos classiques. On a des classiques auxquels on se raccroche. J'avais pas aimé ça. Pas capable. J'étais pas capable de faire les Oli. Non, moi non plus. C'était abstrait. Ça fonctionnait pas pour moi. Ça prendrait d'autres personnes qui parlent pendant qu'on cherche. C'est pour ça qu'on regarde les questions d'avance, peut-être, sinon. Là, c'est vrai, on devrait regarder un peu. On va s'envoyer les questions, on va se faire des petites listings la prochaine fois. Là. Désolé. C'est seulement de la recherche, là, ces affaires-là. Exact. Benoît Landry, question. Leçon sur la business. Y a-tu une chose en particulier que tu dirais qui a été une grosse erreur dans les débuts de Retro MTL ou Arcade MTL qui vous a causé du trouble inattendu? Avec le recul, comment ça aurait pu être évité? C'est une belle question. Et puis, j'y ai réfléchi parce que je l'avais vu, cette question-là. Une erreur qu'on a faite à Arcade MTL, c'est d'être trop d'actionnaires au départ. Parce qu'on a racheté un bar. Dans le fond, moi, Martin et Élie, trois amis qui avaient notre projet d'arcade et tout ça. Puis on s'amusait. Puis on voulait transformer ça en vrai bar arcade. Puis un jour, c'est arrivé. Puis le bar qu'on a racheté, il y avait beaucoup d'actionnaires dedans, dont Éric Lapointe. Donc, c'était le bar Exit. Donc, le Café K.O. a fermé, le Exit a pris sa place, puis le Exit a duré un an, puis nous, on a racheté le Exit. Puis c'était un bar de chansons, là, puis de spectacles. Avec un stage, hein, ouais. Avec un stage, c'est pour ça qu'il y a un stage chez Arcade MTL. J'ai mis mon chandail aujourd'hui. Ouais. Et puis, donc, c'était le bar d'Éric Lapointe. Et puis, de tous les actionnaires qu'il y avait là-dedans, on a gardé deux. Un, parce que c'était deux gars de bord. Lui, bien sûr, qui nous a découvert, qui nous a approchés. Et puis, il y en a un autre aussi qui a plusieurs bars à Montréal. Ces deux gars-là ont plusieurs bars. Ouais, ouais. L'un des deux, le principal qui nous a approchés, tu sais, on est encore là. J'étais encore avec lui aujourd'hui. On est les deux seuls qui restent. Mais l'autre, je te dirais qu'on l'a gardé. Il était bien fin, là. Mais on voulait, vu qu'on connaissait pas la game des bars, tu sais, on voulait comme avoir du backup, là, si jamais. Pour avoir des conseils. Faire affaire avec du monde qui connaisse ça. Qui connaissent ça. Il est entouré, ce qui est tout à fait normal. Exactement. Nous autres, on avait la chienne un peu. On savait pas en tout où est-ce qu'on s'en allait avec ça. Mais en ayant deux vétérans, on sentait bien. Puis finalement, on aurait juste dû garder un vétéran, le gars principal, parce que l'autre, au final, il était dans les meetings au début, puis il était bien correct, il était bien gentil. Puis un coup que ça a ouvert, on l'a plus jamais revu, là, vraiment. Puis il venait collecter son argent à tous les mois, puis il a eu beaucoup d'argent quand même à ne rien faire. À sa défense, il nous l'avait dit aussi. Il a dit, moi, les gars, je serais pas là. Comme, vous pouvez me poser une question, whatever, mais il m'a pas venu compter le change là, ou whatever. Fait que, en tout cas, on n'aurait pas dû. Ben, on l'a racheté en moins d'un an, finalement. On l'a racheté très vite. Et puis, on a. Tu sais, il a servi à rien. Il nous a coûté de l'argent. Puis, c'est ça. Fait que, ça, idéalement, on n'aurait pas pris cet actionnaire-là. Trop d'actionnaires, c'est pas bon, vraiment. Faut prendre des gens qui ont des forces complémentaires avec qui tu peux t'entendre. Puis c'est vraiment pas nécessairement tes amis, tu sais. Là, je dis pas ça en réaction à Martin et Élie, qui sont encore mes amis, puis que ça a bien été, puis qu'on les a rachetés, puis c'est terminé. Mais on est tous en bon terme et ils sont encore mes amis. Je le répète, il n'y a aucun beef. Et puis tout ça, c'est fait. Selon les règles de l'art, mais c'est pas parce que t'as un bon ami que ça va être qu'il est bon en affaires. T'sais. Ouais, c'est ça. Fait que faut que tu fasses très attention à ça. Puis pour RetroMTL, je dirais qu'une chose pour laquelle on paye le prix encore aujourd'hui, c'est que nous, on utilise Shopify. Et puis dans la création de produits, on faisait ça n'importe comment au début. T'sais, comme la création de fiches, un Mario 3, un Blaster Master, un Amagon, tu sais, comme la création de fiches produits qui va sur le site web, donc les SKU, qui va en ligne, les SKU mal utilisés, les codes-barres tout croche, on dupliquait des fiches au lieu d'en créer des nouvelles, on mettait des photos de marde, tu sais, on faisait ça en cow-boy parce qu'on était des cow-boys, on était deux, trois, tu sais. C'est de la job, là, rouler un magasin en ligne quand même. Là. Ben oui. C'est de la job le faire, mais c'est de la job quand tu l'as, après ça, de le nourrir et de l'alimenter, là. C'est beaucoup de travail. Ben, il faut que tu le fasses comme il faut. Ouais. En partant. Mais d'un autre côté, tu peux pas connaître ta situation 5 ans plus tard, là. Non. Tu sais, nous autres, on s'est lancé là-dedans de même, là. Puis aujourd'hui, on peut le prévoir, mais si tu n'as jamais travaillé là-dedans, tu peux pas le prévoir vraiment. Faut que tu parles à quelqu'un qui sait comment ça marche, mettons, là. Puis qui, à cette époque-là, on va pas engager quelqu'un. À un moment donné, on a engagé quelqu'un pour rentrer des produits à temps plein. Pendant que moi et Joe, on faisait du plancher puis les évals, tu sais, ça nous prenait trop de temps, tu sais. À un moment donné, on a investi là-dedans, mais c'était pas un spécialiste de ça du tout, là. C'est quelqu'un comme nous, là, qui avait pas d'expérience, puis il l'a fait. Mais on a comme appris ça. À un moment donné, on faisait même pas de variants, tu sais. Mettons, t'avais 5 Mario Bros, t'avais lui en boîte usagée, t'avais à la cassette, et puis la cassette déchirée. Pour nous, c'était 4 fiches différentes. 4 fiches au lieu d'être un SKU avec des variants. Wow. Exact. Fait qu'à un moment donné, on a remédié à ça, Dieu merci. Puis bref, dans Shopify. Mais tu le sais pas tant que tu l'as pas, cette affaire-là, tant que t'as pas vécu ça. Ben, t'es petit aussi, fait que tu t'en fous, là. Ouais. Tu checkes pas trop ça, tu penses pas, genre, hey, si à un moment donné, on est 20 employés, là, comment est-ce que les gens ils vont réfléchir? Tu sais, si à un moment donné, ça, faut que ça soit 8 personnes par jour qui s'occupent de cette tâche-là, comment ça va se faire? Puis on n'est pas des gens, moi et Joe, d'informatique nécessairement ou de, tu sais, comme là-dedans. Fait que bref, puis on n'a pas le temps de l'apprendre parce qu'on développe la business. Ouais, on est sur le plancher, on répond à des évals, on appelle les assureurs. Tu sais, on est débordé, on engage du monde, on met du monde à pied, on est complètement débordé tout le temps. Là. C'est clair. Là. Fait que, tu sais, c'est pour ça, à un moment donné, il faut se déloader puis il faut sortir la tête de la poutine. La job cléricale, la job de clerk, c'est de rentrer du data, là, c'est... Exact. Fait que c'est un job à temps plein, ça. C'est un job à temps plein, puis maintenant, on a 3 personnes à temps plein et demi fou pareil, font ça à temps plein. Là, t'sais. Et puis, des fois, ça en prendrait plus, moi, te dire. C'est-tu les mêmes qui prennent les photos aussi ou c'est un team différent? Okay, c'est... Ils prennent les photos aussi et tout le kit. Puis, de l'ajustement de fiches, là, puis du travail dans Shopify. T'sais. Puis, encore aujourd'hui, on prend des décisions. Nos photos de même, il faudrait commencer à les faire d'une autre façon. Puis là, on travaille avec une agence de marketing digital aussi qui... marketing en ligne, qui nous dit « OK, mais vos fiches, désolé, mais l'anglais n'est pas référencé dans Google. » Je suis comme « OK, comment on va faire ça? » Puis là, ça demande tout un chamboulement, puis des grosses étapes épeurantes. Ouais, t'as un paquet d'affaires, des tags, des trucs à mettre. Oui, des tags. Je fais tout ça. Tu sais de quoi? Ouais, c'est ça. Je l'ai fait longtemps du magasin en ligne, moi aussi. Exactement. J'ai 6 ans chez Lolé, 6-7 ans chez Lolé. Ouais. Puis je faisais le magasin en ligne Orage aussi, ça faisait le paradoxe. Exact. J'ai baigné là-dedans pendant un bout avant de tomber dans Salesforce. Là. Fait que si tu veux pas réavoir à réajuster tout ton historique, tout ton database, pars ça propre. C'est ça. Fait que ça, c'était une erreur qu'on s'est pas fait. On n'a pas fait ça consciencieusement au départ. Ouais, ouais. Et puis, une autre erreur qu'on n'a pas faite par contre, et puis faites attention quand vous partez en affaires, gardez vos papiers propres. Hostie. Engagez des compagnies de comptabilité pour gérer votre paperasse. Oh, gardez vos reçus. Classez toutes vos reçus électroniques comme faux. Travaillez pas en cochon, là. Non, c'est ça. Par trimestre, par fournisseur, par mois. C'est déjà dur pour les impôts, genre, de base, de personnel, d'être bien organisé. J'imagine pas une entreprise si tu te mets à être pile-mail. Non, c'est ça. Des factures dans des boîtes à souliers, puis n'importe quoi. C'est ça. Les factures toutes à même place, puis en ligne, les faux. Vous devez avoir des audits, des fois, qui passent, ou des trucs financiers qui viennent valider des choses, ou j'imagine, oui. Tu veux dire le gouvernement qui vient voir si on fait ça correct? Ben, ou qui vous demande des preuves de vos dépenses, des affaires comme ça, là. Non, c'est pas fait vérifier. Pas encore, hein? Ça s'en vient. Ben, ils pourront s'ils veulent. Tout est by the book ici, là. C'est y a pas de problème. Faut-tu l'aise si jamais ça arrive? En fait, c'est de la prévoyance, là. Ben, exact. On a tous nos états financiers, puis nos rapports cartes. D'impôts, en fait, des 7-8 dernières années, parce qu'on existait. Ben, plus 7 peut-être. On a 5 ans. Mais avant que le magasin existe, avant, on existait pareil, on a des rapports d'impôts de cette époque-là. D'ailleurs, on pourrait les colisser au vidange après 7 ans, maintenant que j'y pense. Parce que c'est 7 ans, 5 ans, je sais pas, je suis plutôt. Les garde en souvenir. Jim Gendron, qui est également dans le chat, Jim 999. Salut les gars, une station de télévision vous offre un contrat de 5 ans, 1 million chaque année pour la... pour l'année... Attends. Oui. Une station de télévision vous offre un contrat de 5 ans, 1 million par année. L'acceptez-vous et gardez-vous vos jobs et commerce quand même? On a-tu 1 million chaque par année ou c'est 1 million à deux? On va dire chaque, là, sûrement. Je lâche ma job demain matin. C'est écrit 1 million chaque. Demain matin, je lâche ma job et je m'en vais le travailler en TV. Là. Ben oui, on ferait tout ça. Tout de suite. Hey, 5 millions, 5 ans, qu'est-ce que c'est ça, ce salaire-là? Ben, oui. 1 million par année, c'est un très beau salaire. Oui, c'est ça, là. Peu importe ce qu'on fait. C'est beaucoup plus que ce que il je nous fais. Nous paierait pour faire une émission, genre, tous les jours, comme ça. Oui, genre, let's go, on y va, là. C'est sûr. Par contre, j'aurais de la misère à laisser mon entreprise aller. Par contre, je pourrais peut-être lui injecter de l'argent pour engager payer un gars qui fait ta job. Exact, pour payer un gars qui me remplace, en fait. Puis moi, en plus, j'essaierais de plugger mes entreprises à TV. Ben oui. Ça serait de la convergence. Alors moi, je lâche direct puis je m'envoie là. Ça serait comme mon rêve, enfin! On salue ton patron qui nous écoute présent. Salut, Eli! Ah, Deloitte ont besoin de moi. Je peux pas partir comme ça. Ils peuvent rien faire sans toi. Non. Je pense qu'ils ont du staff. C'est une des plus grosses compagnies au monde. Ouais, je sais. Malheureusement. Patrick Van... C'est gros. Patrick Vanney, si vous pensez... salut. Vous pensez quoi présentement de Xbox et de sa façon d'agir avec ses studios et de contrôler son industrie, l'industrie du gaming? J'ai pas trop suivi ça. De ce que je comprends, là, ce qui se passe, puis je suis pas tout à fait à jour non plus, malheureusement, on n'est pas les meilleurs candidats pour ça, c'est que suite à la pandémie et l'année... de record de richesse qu'il y a eu tout de suite au lendemain de la pandémie. Ouais. Tout le monde se pensait riche et puis tout le monde a comme monde boosté la croissance. Puis tout le monde a acquis, dans le domaine du jeu vidéo, Microsoft a acquis des studios plein. Ouais. Et bien sûr, que tu sois le pâtissier du coin ou Microsoft, le pâtissier du coin a acheté d'autres fours, plus de bouffe, il a engagé du monde pour fournir sa demande qui a finalement chuté dramatiquement l'année d'après parce que c'était juste un high d'après COVID. Ben ça se passe au coin de la rue, puis ça se passe chez Microsoft. Et puis, moi, c'est ce que je pense. Et puis, ils ont acquis tous ces studios-là, puis ils n'ont plus les moyens. Les ventes sont pas là. Ben ouais, ils n'ont pas les moyens d'erroner. Fait qu'ils les ferment. Puis, c'est ça qui est ça. T'sais. Fait que c'est plate de même. Est-ce que sinon, c'était peut-être une certaine forme de contrôle de Microsoft d'acquérir... pour pas que la concurrence prenne ces studios-là, eux autres, ils les achètent avant, puis ils les ferment. Très bien aussi, ouais. Peut-être, tu sais, je sais pas. Mais là, c'est ça, Microsoft ferme plein de gros studios présentement, et puis c'est bien triste. Mais en même temps, Gal Gatard dit, selon moi, ce sont les licences qui les intéressent. Ils ont acheté les compagnies qui détiennent les licences de jeu, effectivement. T'as bien raison, ils ont acquis les licences, puis ils ont crissé le monde dehors. Ouais. Ça ferait encore plus de sens. Fait que ça se peut bien que ça soit ça. Et puis, ben écoute, ces gens-là qui travaillent dans ces studios-là, s'il y a encore des jeux vidéo à faire, ils vont en faire. S'ils sont encore là, puis ils sont pas fait de mettre dehors pour se faire remplacer par le team interne de Microsoft. Là, ah, mais ils vont pas travailler pour Microsoft, ils vont aller ailleurs. C'est, non, mais c'est ça, là, mais oui, c'est du... C'est tu te replaces dans la vie. T'as pas le choix. Ouais, c'est ça, t'as pas le choix. Tu te replaces ou tu meurs, là, c'est les deux options. Mais là, par contre, est-ce que ce monde-là était surpayé à faire ce travail-là, puis là, il y a des licenciements majeurs, fait que là, c'est dur à dire. L'offre et la demande, ouais. Il va avoir une énorme offre de candidats qui sont capables de travailler puis gagner des gros salaires. Fait que les salaires vont baisser. Puis le monde vont cherry-pick là-dedans. Les compagnies vont cherry-pick là-dedans. Là. C'est ça. Fait que ça, c'est pas évident non plus. Ça, c'est certain. Fait que, en tout cas, qu'est-ce qu'on en pense? C'est pas plus mal ou mieux que les autres compagnies. Ça a l'air d'être généralisé dans plusieurs sphères en ce moment. Là. Exact. Parce que là, le monde, ils sont en tabarnak puis ils ont de la peine parce que les gens, ils voient leur studio de jeu qu'ils aiment se faire fermer. C'est parce que t'aimes le jeu. Mais il se passe exactement la même affaire dans le domaine des plaques de métal en forme de triangle. Et puis, il y a quatre grosses compagnies dans ce domaine-là qui font exactement la même affaire à cause du même marché et tout ça. Puis, vous en calissez toutes là, de ce monde-là qui travaille dans les plaques de triangle. Les plaques de triangle, les fameuses plaques de triangle. Celles qui servent à mettre dans les sockets en forme de triangle. Pour le Gris Force, là. Que pour faire des trophées en métal. Ce n'est que pour ça. La demande en Griforce en vient vraiment forte. Ah ouais, là, ouais, c'est ça. Faut être prêt. Fait que préparez. Allez là-dedans, gang, qui se font mettre stacks, dehors. Des stacks de triangles en métal. Là. C'est quoi ça, mes triangles en métal? Hey, si on était buzzé présentement, c'est le genre d'affaires là, que je me roulerais à terre de rire. Moi, je trouve ça drôle, ces affaires-là. L'abstrait de même, c'est merveilleux. Fait que ce que je veux dire par là, c'est que vous avez de la peine parce que c'est des affaires que vous aimez, mais que si des affaires que vous en foutez... Ils font la même affaire, vous en parlerez même pas. Exactement, ça arrive partout. Fait que c'est mon opinion. Nicolas Allaire, je sais pas si là déjà été posé, mais que pensez-vous des repos qui se vendent, par exemple, sur AliExpress? C'est une plaie, c'est un hostie de problème, et puis les gens ils se mélangent avec ça parce qu'ils viennent nous les revendre et puis ils pensent que c'est des vraies affaires. Ah, ils vendent carrément des cassettes reproduites sur AliExpress. Ouais, Chrono Trigger là, à 20$ sur AliExpress. Je savais qu'ils vendaient des machines, des affaires là, mais je savais pas qu'il y avait vraiment des cassettes. Ah ouais, c'est. Okay. Ben oui, non, c'est une plaie. Là. Ah ouais. Les jeux Pokémon, ça, man, il y en a. Donc, facile à spotter, là. C'est quoi c'est les screws, des fois, c'est le logo. Très facile, les labels surtout, là. Des fois, puis le logo Nintendo qui difficile à reproduire par les Chinois. Tout ça est fait en Chine, j'en suis convaincu. Ou dans... Quelque part en Asie. Par des très jeunes mains, probablement. Exactement. Là, fait que ce que j'en pense, c'est que c'est de la pollution incroyable, c'est un hostie de plaie, puis c'est un problème. Puis j'ai honte pour toutes les entreprises qui vendent ça. Mais c'est qui achète ça? C'est illégal de vendre. Mais qui achète ça, des repros? Ben, toi, tu veux Pokémon Yellow sur Game Boy parce que c'est ton enfance. Mais présentement, c'est mon enfance, peut-être pour l'avoir. Tu vas l'avoir à 20$, ta cassette va être jaune, tu vas être content. Parce que la vraie raison. La vraie, il faut t'attendre qu'on en ait une ou qu'il y en ait une. Sinon, parce que si tu veux juste jouer, c'est possible de jouer prêt à tout d'une autre façon. En émulation, peut-être, whatever. Mais quand tu veux posséder la cassette, les gens, ils savent pas l'émulation. Le monde, s'ils cherchent pas, ils vont pas voir la différence. Le public général, faut que tu gosses dans les ordi, puis c'est compliqué pour bien du monde versus acheter sur AliExpress 20$. Effectivement. 20$ du jeu que t'aimes. Le Grey Market. Les souris Microsoft, les licences de Windows 95. Le Grey Market. Fait que non, c'est un problème. Puis ici, il faut qu'on traîne nos employés à les spotter. Puis par contre, je dois l'avouer, on les utilise chez Arcade MTL. Parce que, mettons, Smash sur 64, ça vaut 80$. Fait que quand c'est le temps de se faire voler des jeux, on aime mieux se faire voler des repros à 20$ que des vraies cartouches. Mais ils marchent-tu correctement, les repros? C'est... Ils marchent, mais ils peuvent lâcher n'importe quand. Puis on avait un ami aussi qui disait que ça peut avoir causé même des problèmes électriques dans ta console. Jim qui dit qu'il a failli péter une console à cause d'une reproduction, là, d'ailleurs, en ce moment. Ah ouais, c'est ça. Donc, il peut avoir en effet des problèmes électriques. Là, Le board est mal bâti, genre, ça surcharge. Ah ouais. Exact, les soudures sont faibles. Touchez pas à ça, t'es chez Retro MTL. Exact, quand on l'a. Quand on a le temps. Le Michael Belzil. Donne-le. Les précommandes de NES World Championship sur Switch sont encore ouvertes à l'heure actuelle. Est-ce que tu penses que Nintendo vont inonder le magasin ou bien ça va être difficile à trouver au moment du release? Moi, je pense que ça va être difficile à trouver au moment du release, qui est genre dans un mois. Ouais, ouais, ouais. Puis là, les précommandes de ça, moi, aux dernières nouvelles, je voyais du monde qui se disait « Ouais, allez là, sur Amazon, tu sais. » Puis là, finalement, c'est disponible. Finalement, c'est plus disponible. Ah, ouais, là, le monde va-tu se faire canceller leur précommande dans leur face? Ça se pourrait très bien. Fait que tout ce que je sais, c'est que nous, en magasin, on n'a pas accès à ce titre-là aux quantités qu'on voudrait. Nous, on dit à notre fournisseur « J'en veux 50 ». Puis on hope for the best. Ah, on va peut-être en avoir 4, on va peut-être en avoir 10, on va peut-être en avoir 15. Ouais, ouais. On le sait pas. Fait que on peut pas faire de précommande, on peut pas faire de prédiction. Fait qu'on en veut juste le plus grand nombre possible parce que tout le monde va se les arracher puis ça va être très nice. Puis est-ce que Nintendo va faire un reprint de ça par après pour inonder le marché? J'en suis pas convaincu tant que ça. Probablement pas. Moi, je pense pas. Puis moi, je vais vouloir... Je vais acheter ça, physique. Ouais, je vais jamais déballer, comme tout le monde. Et puis, je vais mettre ça sur ma tablette. Puis, je vais l'acheter en digital. Puis, on jouera au WEC. Ben oui. Voilà, ben oui. C'est ça qu'on va faire. Fait que voilà. Le fait de grossir la compagnie, est-ce que ça vous donne un avantage sur genre les précommandes d'affaires limitées de même, mettons, par rapport à un indépendant qui aurait une copie de ce jeu-là? Vous autres, on est Retro MTL, on en veut 60. Puis... Son big à Montréal, on va l'envoyer plus, eux autres? Oui, en effet. Oui, je l'ai senti, en effet. Ben, on a des... C'est rare, il existe plusieurs fournisseurs pour le stock de pour les jeux, bien sûr, et les consoles, mais il y a certains fournisseurs qui ont des spécialités aussi. Okay. Il y en a qui ne tiennent pas de Limited Run. Limited Run, d'ailleurs, a switché de fournisseur dernièrement, de distributeur, okay, pour nous. Quoi qu'il y en a encore à deux places. Il y en a qui ont des toutous puis de la merch, d'autres n'ont pas. Il y en a qui ont beaucoup de manettes, d'autres n'ont pas. Fait qu'on pige sur plusieurs. Ouais, ouais. Mais on a un principal avec qui on fait affaire depuis pas si longtemps, puis on y passe beaucoup de commandes. Puis d'ailleurs, on a changé parce que l'autre qu'on avait avant, justement, il nous en envoyait pas beaucoup du stock. Okay, okay. Quand c'était Zelda Tears of the Kingdom qui est sorti, on a eu... genre deux consoles. Fait que tu deals pas avec un Nintendo collector. Direct, un entre, non, non, non, un intermédiaire, les deux. Okay. Il ship des paquebots. Des palettes. Des palettes de ça partout, là. Puis les distributeurs distribuent. Ah, OK. Fait que c'est le même, ça marche. Ça mais sens, notre distributeur, quand on y achète beaucoup de stock, il nous récompense, tu sais. Okay, fait que là, justement, vu qu'on y achète beaucoup de stock, je me dis, il va peut-être nous en envoyer plus que deux, là. J'espère, tu sais. On y en achète du stock à toutes les semaines, là, tu sais. Ah, intéressant. Voilà. Puis il nous envoie aussi des panneaux pour mettre en magasin. Ouais. Plus que tu achètes, plus les fournisseurs t'aiment, fait que plus qu'ils te donnent des goodies. C'est le même, c'est la game. Éric Laforce, deux petites questions pour vous si vous avez envie d'y répondre. Quel est le meilleur jeu de Jésus ou Jesus Related? Il n'y a pas un jeu de Bible? Ben, il y a Bible Adventure au NES. Il y a plusieurs jeux en license de NES, de Wisdom Tree. Puis il y en a qui sont bons, je pense Noah's Ark là, ou quelque chose. Okay. Ben bon, entre guillemets. Ouais, ouais. Il y en a qui sont pas si pires. Puis j'avais joué à Bible Adventure, puis c'était pas si pire. Je savais que ça pourrait être un projet de ben oui. De battre des jeux de Jésus. Battre Bible Adventure. Exact. Mais sinon, j'ai très peu joué à ça. S'il faut que ça soit des jeux purement religieux de ce type-là, j'ai pas beaucoup de références. ActRaiser, mais c'est plus Dieu que Jésus, là. Mais j'avais fait à Retro Nouveau le top 3 de Jésus, là, avec Lamb of God. excusez, ça, c'est un... Cult of the Lamb. Cult of the Lamb. Cathédrale, mais ça, c'était juste le nom. Blasphemous 2, ouais, qui sont des jeux à connotation très religieuse. Dans ton top de fin de l'année, exactement. Ouais. Fait que si Blasphemous peut compter là-dedans, je le mets là-dedans. Là. Mais on a un shmup de Jésus, là. Super Jésus barbecue, là, en shmup debout sur la croix. Là, Y a-tu ça? Non, mais Guy Lepage en RBO. Dans RBO, ouais, il surfait la croix. Il pourrait avoir ça, genre Jésus Schmop. Faudrait que tu le programmes. On repart. Juste une croix qui tourne sur elle-même et qui chope. Deuxième question. Lance des croix, en fait. Mettons que vous gagnez un concours dont le prix est de remonter le temps et devenir CEO de la compagnie de jeux vidéo de votre choix à l'époque de votre choix. Laquelle vous choisissez et quelles seraient les grandes lignes de votre plan de développement? Moi, je pense que j'irais être Nolan Bushnell de Atari. Et puis, mon plan, ça serait de ne pas vendre Atari à Warner. Et puis aussi de saisir l'opportunité qui m'aurait été présentée par Apple actionnaire de la compagnie ou de participer au lancement de cette compagnie-là. Et puis, aujourd'hui, je serais propriétaire d'Apple. Ben oui. Fait que moi, je prendrais de ça. Et puis, en étant propriétaire, j'aurais continué à... Ben, il l'a vendu à Warner, ça y tentait plus, whatever, mais ça s'est écroulé à partir de là, Atari. S'il avait resté là, moi, j'aurais gardé, j'aurais essayé d'évoluer là-dedans puis de faire des beaux projets Atari puis qu'elle soit encore là aujourd'hui. Puis ça aurait peut-être évité ou aidé d'éviter le crash du jeu vidéo, tu sais. Ouais, ouais. Fait que j'aurais voulu sauver la face. Moi, je retournerais sauver la face. Je resterais là. Je vendrais pas ma compagnie. Puis j'aurais dit oui à Apple. Moi, j'irais chez Dreamcast puis je dirais, attendez un petit peu avant de lancer la console. Les gens sont pas prêts. Non. On a un bijou dans les mains, mais le monde n'est pas prêt. Fait que tu irais chez Sega, puis tu les calmerais de Tout le temps release leurs consoles trop. Calmez-vous, vite. Là. Vous avez du bonbon, puis vous allez vous brûler trop rapidement. Là. Exactement. Puis la Saturn aussi, ils ont launché pour couper l'herbe sous le pied à tout le monde, puis c'était trop tôt, man. Des excellentes consoles qui ont pas toffé. Là. Exact. Sega a tout le temps lancé ses consoles en premier, en fait. La Master System avant la NES, à ce que je comprends, il me semble que oui. La Genesis aussi. Fait que c'était tout le temps avant. Puis ça, c'est facile. Ben, c'est facile. Pas moi qui le fais, là. Oh. Mais tu sais, comme quand la compétition lance son projet, ben tu le vois, le projet de la compétition. C'est une bonne idée. Fait que tu t'ajustes en conséquence, tu sais. Fait que c'est ça qui arrive. Puis comme tu dis, en effet, la Dreamcast, c'était comme ben trop d'avance. Et aussi, tu diras à tes boss là-bas de faire attention, les jeux sont facilement gravables par Pierre-Jean-Jacques. Ouais, fait que ça va canner la console assez rapidement. Fait que voilà. Sébastien Patterson, Hulk Hogan ou Randy Savage? Ben, Macho Man. Ah ouais, hein? Ben oui. Ben, il est plus colorful, ça c'est sûr. Hogan, c'est Hogan, là. Il faisait des annonces de Slim Jim, puis... En effet. Hogan, son petit côté raciste un petit peu trop, là, des fois. Ouais, c'est trop American, son affaire, là. Ça me tape en esti. Puis sa coupe de cheveux à 30 ans, là, qui a la même coupe de cheveux que mon grand-père avait à 25, là. Ouais, c'est la couronne, là. La couronne qu'il garde. Ben, là, à un moment donné, tu peux plus l'enlever, là. Non, c'est ça, là. Mais ça dépend, on parle-tu d'Hogan, Hollywood Hogan, Hogan NWO? Ben, Macho aussi, là, il y a eu ses époques. C'est vrai. Là. Mais écoute, moi, le Macho... T'sais, overall, c'est sûr que c'est Hogan parce que c'est la Legacy d'Hogan. Pour la Legacy, c'est Hogan. Mais Babyface Macho, le temps des années, qui avait son speedo rouge avec 3 étoiles, qui teamait avec Hogan aussi, puis Elizabeth. Mais ça, c'était mes belles années de Macho, ça. La belle époque. Exact. Ça, j'aimais beaucoup ça. Quand il est devenu Macho King avec un heel, puis Luna, Sensational Sherry, manager, j'aimais moins, là. Ouais. J'aimais pas ça quand il était J'ai eu un friction dans le dos, t'as dit Luna. Je pensais juste à Luna Vachon, parce que, que ça te fait peur. Ouais, elle est pas très belle. Non. Mais elle faisait bien sa job. Oh ouais, c'est une très excellente lutteuse, là. Exact. Jean-François Renaud, t'as l'air fâché. Ça, c'est sur la photo. Sur la photo que je fais. Je fais tout le temps des faces de con un peu pour les photos du public. Puis moi, je suis tout le temps flou dans les photos d'avant-show. Exact. Mais la prochaine fois, JF, c'est toi qui te feras une photo. Pis, pour les questions, on la prendra. Ça pourrait être ça. Ça va être à ton tour. Charles Trudeau, quel jeu NES que tu n'as jamais été capable de finir dans ta jeunesse aimerais-tu essayer de finir maintenant que tu es rendu adulte? Battletoads. Tabarnak. J'ai passé tellement de weg à bûcher là-dessus. Oui. J'ai passé le Turbo Tunnel à un moment donné, puis j'ai fait « Oh shit, il reste genre 12 tableaux plus tough que ça. » Ça, tout le monde vrai. Te dit genre « Ah, le Turbo Tunnel, c'est tough. » Ça, c'est facile. Non, c'est facile. C'est pas plus facile après. C'est très difficile, tout le long. Genre, ce même jeu-là. Le Turbo Tunnel, c'est du par cœur. C'est tout le jeu complet au combat du par cœur. Ouais, tu fais sans mourir parce que tu sais exactement quoi faire. Là, ah, absolument, absolument. Mais j'aimerais ça le passer. Fait que ça, c'en est un, moi, avec que j'ose pas tackle du tout. Mais sinon, j'ai réglé pas mal tous mes dossiers là, qui me faisaient chier. Vraiment. Jeux durs. Il y a des jeux que je trouve durs. Genre Yo Noid. Ouais. C'est dur, ce fucking jeu-là. T'as pas toujours des continus. Puis il faut que t'aiguises ta patience sur le jeu de pizza entre les niveaux. Faut que t'envoies les pizzas épicées au bon moment. Puis... Exactement. Yo Nine Man est un jeu pas simple et puis qui me décourage. Pourtant, je l'ai loué plein de fois quand j'étais jeune. J'ai dit, yeah, yeah, platformer. Mais c'est pas bon, là, ce jeu-là. Non, c'est, pas... c'est un jeu publicitaire, là, beaucoup. Là, exact. C'est pas super bon. Puis, man, je trouve ça dur, là, tu sais. Ça, c'est. Ouais, ça, c'en est un bon qu'il faudrait que je prenne le temps de faire un jour. Ah! Puis Double Dragon 2, puis Double Dragon 3. Surtout le 3. Le 3, il est immensément difficile, mais faut que tu te pratiques, puis tu le grindes, puis à un moment donné, t'es capable. Le 2, je suis encore pas capable, mais il est plus facile. Mais j'ai honte de ne pas avoir fini Double Dragon 2 et 3. Voilà. Ben, Yobili. Mais ça, c'est pas c'est brisé. Là, ah non, mais... c'est brisé. Là. Ça finit plus. Là. Mais Michael Larouche, dans le chat, il travaille présentement sur des jeux NES. Il pogne les jeux NES qui n'ont pas toujours des continus, puis il leur met toujours ah des ouais, continus. Ah ouais, wow! C'est bien un beau projet, ça. C'est pas décourageant du tout. Il y a Blaster Master, Journey to Sirius, ouais. Ninja Gaiden 3, Kabuki Quantum Fighter. Il en a fait une couple, là, wow, t'sais. C'est bien cool, fait ça. Que, ça, c'est très cool, en effet. Comme ça, on va pouvoir jouer à ces jeux-là au NES, ouais. Chaud, et puis progresser quand même. Toujours mourir, puis continuer comme dans les shmup, là. Exactement. Toutes les Turtles, d'ailleurs, Michael, au NES... deux il y en a fait deux à t'en date. T'en as fait deux à date, OK. Les Turtles au NES, ils en ont pas toujours des continus. L'original Turtle, là, que le tu premier. Vois de haut avec le petit... Exact. Ah, il est dur, ça. Puis tu sais pas comment il y en a parce qu'il te l'indique pas, comme dans Blaster Master. Ouais, ouais. À un moment donné, t'en as plus, le jeu est fini. J'avoue que ça, c'est un que j'aimerais ça finir, que j'ai jamais fini quand j'étais jeune. C'est faisable, moi, je l'ai fait. Je me rendais tout le temps à la même place, puis je mourais tout le temps à la même place. Puis j'ai un souvenir, puis ça se peut que je me mélange. Mais sur des toiles, faut que tu sautes, il y a une place, qu'il y avait un jump, je tombais tout le temps dans le trou. Oui. Je perdais oui. toutes mes vies là, tout le temps. Exact, exact. Parce que tu te fais pogner par une bébite, là, les airs. Genre où puis... tu jumpes assez loin. Il a fait Kabuki, puis Journey to Silius, des excellents jeux. Deux jeux que je suis capable de finir quand même, avec des continues limitées. C'est pas les plus durs, mais c'est correct, c'est deux bons jeux, ben oui. Puis il y a du fun à voir avec ça. Dernière question. Aïe, ça fait... Ouais, on va être dans les temps. On va être dans les temps. Puis on n'avait rien ce soir. Mais j'étais sûr qu'on allait finir 15-20 minutes avant. Mais on a étiré nos questions, puis je nous laissais aller aussi. Ben ouais, là, quand on arrive dans le bloc questions, on se remplit jusqu'à 10, là. Hein? Blaster Master, je l'ai fini sur ma dernière live, ma dernière vie. Hey, ça, là. Ouais. Man, puis wow, j'étais fier de moi, là. C'est clair. Puis j'ai fini par... J'ai plus le goût de le refaire, là. C'est intimidant. Faut que tu te pratiques. C'est fait, là, on passe à autre chose. Là. Exact. Dernière question, Dominique Ostigui. Quelles sont vos incarnations préférées dans l'univers des samouraïs? Films, séries, jeux vidéo, etc. Des incarnations? Ben, qu'est-ce que ça veut dire? Un personnage samouraï dans de la pop culture, dans un film, dans un jeu. Quoi qu'il s'appelle, voyons. Dans Kill Bill, là. Uma Thurman, là. Ah, ben oui. C'est l'ultime samouraï, elle. Là. La Bride, ouais, là-dessus. Là. Le White Samouraï dans Marvel, on s'en calait sur un peu. Là, ah, c'est ça son nom? Moon Knight? Non, pas le nom. Non, il s'appelle le White Samouraï. Ok, je me rappelle pas de lui. Il est dans un jeu d'arcade d'ailleurs. Ok. On s'en fout pas mal de lui. Ninja Gaiden, c'est sûr que. Oui, c'est des beaux ninjas. Ouais, des beaux ninjas. Ryu Hayabusa, en effet. Ben, c'est un ninja. C'est pas un samouraï. Là. Ouais. C'est compliqué, les samouraïs. C'est assez précis, là. C'est très précis. First Samouraï au Super NES. C'est pas bon. Des bons films de samouraï. Ben écoute, man, moi je viens d'écouter la série Shogun, puis j'ai tellement aimé ça, là. J'ai adoré ça. Et puis on m'a dit cette semaine qu'il allait avoir deux autres saisons, ce qui est étrange parce que le livre, il arrête là. Mais là, ce qui arrive, c'est qu'ils font comme Game of Thrones. La série a tellement été populaire qu'ils vont continuer d'écrire puis de pousser la série. Ouais. Fait que ça, c'est cool. Ben, je suis content. Donnez-nous-en. J'espère juste qu'ils vont pas cochonner ça. Sinon, j'ai beaucoup aimé le film The Last Samurai avec Tom Cruise. Ouais, tu as ouais. vu ce film-là? Ouais, fait longtemps, là. Moi, j'avais bien aimé ça. J'avais aimé ça tout le long, puis c'était un bel univers. C'était cool. Jeu de VR, Sariento VR, que t'incarnes un samouraï qui slash des jambes puis tout, là. Ah ouais, hein? Je n'avais pas l'air de nouveau de ça, c'était très cool dans le temps, là. Non, voilà. C'est ça. C'est des jeux samouraïs. Pour les samouraïs. Fait que Galgator dans le chat, va écouter ça. Shogun, c'est sur Disney. C'est vraiment, vraiment bon. Nice. Alors, c'est ce qui va conclure cet épisode 138. Ça a été light sur les critiques. On n'a pas eu, en fait. Là, ça a été light en contenu d'éditorial et jeux vidéo. Ah, mais c'est du jasage. C'est correct. On tombe dans la période estivale. C'est ça. Ben, j'avais envie de faire... C'est ça. J'ai pas bu de bière. J'ai comme pogné un mal de ventre dans le milieu de l'après-midi. Je sais pas c'est quoi, ça. Ces maudits mots de ventre là, qui me tuent, là, qui me vident. Mon estomac, il siffle, il fait des bruits. Puis comme ça me siphonne mon énergie, je comprends rien. En tout cas, Tu vas checker, pour vrai, c'est récurrent. Ben, je l'ai déjà fait. J'ai fait le test que, genre, tu bois un liquide, puis là, ça te fait roter, mais t'as pas le droit de roter. Puis là, t'embarques sur une machine, puis elle tourne de même, puis ça te scanne l'estomac. Ah ouais, c'est un hostie d'affaire. Ah ouais, okay. J'ai tout fait ça, moi, là. Puis ils ont jamais rien trouvé. Okay. Fait que, je sais pas, c'est mes organes qui vieillissent. Ouais. C'est les Tums, mais... Ben ouais, puis je me sens moins, pas tant stressé présent les Tums. J'ai mangé deux Tums hier soir. J'en mange tout le temps de ce temps-ci, je sais pas, c'est comme des bonbons. Là. Ah ouais, hein? Tropical. Ben faut dire que tu manges beaucoup épicé, toi, là. Pas tant, là. Avec toute ta viande, là. Non, la sauce spaghetti est rendue comme fait des brûlements d'estomac un peu, là, fait que c'est large. Voilà, on est rendu là. Ah ouais, moi avec. Tu sais, mettons, là, on mange de la junk pour souper, là, et de la poutine, là. Ah ouais. Puis là, je prends une bière le soir, là. Ben là, man, je vais avoir des brûlements d'estomac, là, tu sais. Puis même, les Tums sont plus suffisants. J'investis dans les gaviscons. Ah ouais. qui coûtent le double. C'est bien plus cher, les gaviscons, là. Ouais. Mais ça broute, là. Ça marche, là. Ça te bétonise ça toutes tes rivières d'acide dans plus le rien. Tout est béton. Neutralisé. Exact. Du béton. Fait que voilà. Sinon, t'as-tu des annonces, Jeff? Soirée du podcast terminée? Non, tout est fini. Là, comme on avait dit l'autre fois, ça va être l'épisode du repêchage le 28 juin à 19h. Exact. Moi, Mallette, Nick, et peut-être toi qui vas être de passage, venir manger, boire de la bière et dire des niaiseries. J'aimerais bien ça. Ça serait le fun? J'aimerais bien ça. De mon côté, rien de si spécial à signaler ou à annoncer présentement chez Retro MTL. La saison estivale commence. À l'arcade aussi, on a acheté une nouvelle arcade. Je l'ai déjà dit, je la dévoile pas encore. Elle n'est pas prête. Nice. Puis on va voir à ça. Fait que c'est tout, man. C'est tout. J'aurai une critique au prochain épisode dans 2 semaines. Je vais en avoir une, moi aussi. Je vais me forcer là, pour retrouver une assez quoi, longue. Là. Puis je sais déjà que je vais avoir au moins un jeu du Super NES parce que j'étais supposé l'avoir dans mes mains aujourd'hui. C'est moi, Eric dans le chat. Ah non, qui m'a écrit sur Messenger ici. Il m'a écrit tantôt demain. On est supposé se voir demain. Je vais t'amener ton jeu. Ah ouais. Mais il aurait dû le laisser à Joe parce que Joe, je le vois tous les jours. Puis c'est de là le fuck-up qu'on a eu, que j'avais eu un jeu de plus. Il y a un panneau de presse si jamais il n'y a rien d'autre. Exact. Petit segment de collection. Puis il faut que je me trouve d'autres invités aussi. On a juste eu un à venir jusqu'à la date. Ouais, il faudrait baisser la qualité aux vidéos là, si on se fait inviter pour être vraiment très pixelisé. Là, exact. Il faudrait remettre un. Il faudrait baisser on ça. On devrait être correct. Là. Ça a été stable depuis 3 épisodes à peu près. Là. Fait que je pense qu'on est correct. Là. Exact. Faudrait que je me trouve quelqu'un dans le monde de l'entrepreneuriat encore, là, quelque chose. Là. Je vais reach out. Je vais essayer on de trouver quelqu'un. On va checker quelqu'un. Ça, ouais. Fait que, bien, merci beaucoup tout le monde d'avoir été présent. Et yes. Puis, à très bientôt. Bye tout le monde.